6h25 sur Fun Radio. Que c'était dur ce matin. J'ai dû affronter des trucs surréalistes. J'ai failli mourir trois fois. T'as préparé tes petits bruitages? Pas du tout. J'ai simplement failli mourir plusieurs fois pour venir ce matin en direct à la radio à cause de la pluie, de ce truc surréaliste qui est tombé là. Mais que veux-tu? J'en avais parlé. Hein. Ce n'était pas une grande surprise non plus. Ah non, mais attends, je me suis réveillé là. Mais on est où là? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Pourquoi c'était à ce point-là? Moi, ça allait. Ah ben, non, mais sur Bruxelles, ça allait. Sur Bruxelles, ça allait. Mais alors, enfin là, je suis en Brabant Wallon. Mais en Brabant Wallon, qu'est-ce que ça tombait? Truc de dingue. Enfin bon, donc voilà. Donc j'ai. Rassurez-vous, je vais bien. Ouf! Non, alors mais là, franchement, non, parce que je sais, j'ai eu plein de messages sur Twitter et tout. Ils m'ont dit, ah, est-ce que t'es pas mort? Non, non, ça va, j'ai survécu. Non, non, mais cela dit, faites gaffe hein, si vous êtes sur la route là, parce que effectivement, ça tombe pas mal. Voilà. Bon, Julie va bien passer une bonne nuit? Oui, oui, oui. J'ai passé une bonne nuit. Qu'est-ce qu'elle a fait de beau cette nuit? Elle a fait l'amour. Un petit peu fatiguée. Toute la nuit. Non, j'ai rien fait. Pas. J'ai mangé une déception totale. Hier, tranquille. Ah oui, d'accord. Bon, votre petit dîner, très bien. Toi, va bien aussi en pleine forme? Écoute, oui. Bon, on va aller emmerder qui ce matin? On va aller emmerder des gens parce que je suis tombé encore sur une étude surréaliste qui a calculé le nombre de fois où les gens pensaient au sexe dans la journée. D'accord, donc tu vas voir combien de fois ils pensent au sexe. Exactement. Très bien, et écoute, pas de problème, nous verrons cela avec grand plaisir évidemment. Et puis je vous rappelle aussi que ce matin, évidemment, il y a du lourd comme d'habitude, car nous aurons ce matin évidemment la ligne anti-relou. Ça, vous en avez pris l'habitude évidemment, les meilleurs relous de Belgique sont sur Fun Radio tous les matins grâce à vous. Donc on ira faire chier. On les a un peu en exclu, hein, je pense. On les a en exclu, ouais, c'est clair. On va aller faire un peu chier de monde aussi avec Tof, ça on vient de vous le dire également. Et puis bien évidemment, côté cadeau, qu'est-ce qu'on aura du lourd avec les tours Lenco iPod? Je m'excuse, je suis obligé de faire un flash spécial. Qu'est-ce qu'il y a? Julie nous a mis une petite robe aujourd'hui. Oh là là, j'avais pas vu, parce qu'à chaque fois elle vient me dire bonjour, elle a encore sa veste, donc je fais pas attention. Elle moi, nous, nous a mis une petite robe oh aujourd'hui. Oh là là, attention. Que veux-tu, c'est... Ah oui. Je sais pas ce qui m'a pris aujourd'hui. Non mais et c'est ça, moi je veux dire. Je l'ai fait post Saint-Nicolas. Plus Julie est bonne le matin. Ouais. c'est bizarre d'ailleurs. C'est moi j'aurais vu le contraire, mais non. Oui, oui, oui, c'est assez particulier. Ouais. Non, moi, mais je dis vivement Noël. Oui, oui, oui. Bah, Noël, que va-t-il se passer à Noël? On ne sait pas, hein, mais ça risque d'être pas mal. Bah, c'est une surprise. Bah, écoute, très bien, parfait. Bon, alors je disais donc qu'il y avait les tours. Les tours Lenco qui seront à gagner ce matin. Et puis, bien évidemment, les billets d'avion. Les billets d'avion pour vous envoyer un petit peu partout en Europe à gagner avec les devinettes qui collent. Pour la devinette qui colle, c'est simple. Il y en a la première maintenant, tiens. Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez votre message au 63 22, c'est 1€ le message. Écoutez bien, de politesse elle est conforme à l'usage, elle est magique ou algébrique, qui est-elle? Bon, relativement facile hein, premier indice à donner comme ça, abracadabra. Ah ouais. Voilà. Bon, je répète, de politesse elle est conforme à l'usage, elle est magique ou algébrique, qui est-elle? Si vous avez la bonne réponse, 63 22, il y a des billets d'avion à la clé, en toute simplicité, des billets d'avion à la clé, voilà. Et demain on se rend direct de Mons, j'aurai l'occasion évidemment de vous en reparler au fur et à mesure tout au long de l'émission bien entendu. Il y a les infos de Julie qui vont arriver aussi d'ailleurs, on va le faire un peu en avant tiens. On écoutera aussi Maroon 5 avec Christina Aguilera et Moves Like Jagger. Message qui est arrivé, Julie ne peut pas faire l'amour, Chouchou ne connaît pas le mode d'emploi. C'est un message qui est arrivé par SMS au 3044. Je pense que c'est une ex aigrie. Peut-être, ouais. Allez, 6h28 sur Fun Radio, un petit peu avant tout le monde, c'est les infos maintenant avec July. Bonjour à tous, le Premier ministre Elio Di Rupo présentera sa déclaration de politique générale devant les députés aujourd'hui. Hier, les 19 ministres et secrétaires d'État du gouvernement Di Rupo Ier ont prêté serment devant le roi. Elio a ouvert la marche en prononçant le serment dans les trois langues nationales. À l'exception de Sabine Laruelle, tous les ministres francophones ont prêté serment en français et en néerlandais. Parmi les ministres flamands, Steven Van Ackere et Hendrik Bogart se sont également exprimés dans les deux langues. Et puis, c'est le chef de groupe PS à la Chambre, le liégeois Thierry Giet, qui va remplacer Elio Di Rupo à la tête du Parti Socialiste. Entre 20 000 et 30 000 personnes sont attendues dans les rues de Liège aujourd'hui. Aujourd'hui, le Front commun syndical appelle à une mobilisation générale en soutien avec les sidérurgistes d'ArcelorMittal. De grosses perturbations sont à prévoir dans la région. Les transports en commun, les écoles, la collecte de déchets, bref, de nombreux secteurs seront perturbés ou tout simplement à l'arrêt. C'est une conséquence de l'annonce de la fermeture de la phase à chaud par le sidérurgiste ArcelorMittal. 581 emplois directement menacés. Le calme est revenu hier soir, peu après 22h, dans le quartier Matonga à Bruxelles après une manifestation anti-Kabila. Plus de 200 personnes ont été interpellées durant la journée. Trois voitures ainsi que de nombreux sacs poubelles ont été incendiés par les manifestants. en République démocratique du Congo. Joseph Kabila est toujours donné vainqueur. Les résultats devraient être connus dans les 48 prochaines heures. L'agence de notation Standard & Poor's a placé sous surveillance négative la note du Fonds européen de stabilité financière. Conséquence de sa décision de placer sous surveillance les principaux pays de la zone euro, le fonds risque de perdre sa note triple A d'un ou deux crans. Standard & Poor's avait placé sous surveillance négative les notes qu'elle attribue à la dette à long terme de 15 pays de la zone euro, dont celle de l'Allemagne et de la France, les deux principaux contributeur du fonds européen. Et puis enfin en sport, football, Ligue des Champions en dernière journée de phase de poule, Genk a sauvé l'honneur et quitte la compétition sur un partage 1-1 avec le Bayern. Leverkusen, oui, ils ont failli gagner. Voilà, 10 minutes de la fin, c'est dommage. Toute façon, c'était pour du beurre, ils avaient quand même perdu. Ouais. Bah pour l'image, quoi, Emile, c'est bien de sortir grand, quoi. Mais bon, 6h31 sur Fun Radio, tu parlais de politique, on aura d'ailleurs la nouvelle chanson du gouvernement qu'on vous avait fait découvrir hier, qui a bien tourné d'ailleurs sur Internet. Et puisqu'elle a bien tourné, bah, on va se la remettre encore un petit coup, voire trois petits coups ce matin. Donc voilà, restez bien là, ça passera tout à l'heure. Et puis bah là, devons-nous parler de la météo? Journée maussade et venteuse. La matinée s'écoulera sous la pluie et sous des précipitations à caractère hivernal sur les reliefs ardennais. On parlera même d'averses cet après-midi. Rafale de vent, température de 4 mal, à y a 10 trop degrés. Bruit. Demain, toujours pareil, sous la pluie. Génial, on va bien se marrer dans les prochains jours. Ça va être cool. 6h31 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. Je vous rappelle dans un petit instant la nouvelle devinette qui colle. Et puis on va passer maintenant à l'info en plus, évidemment. Moins pluvieux, ça c'est bonne nouvelle. Alors, c'est un homme d'affaires zimbabwéen qui a eu une petite surprise. Pas super sympa, il était en train de séjourner dans un hôtel pour affaires et il avait invité une escort girl à le rejoindre dans sa chambre. Et ça s'est pas tout à fait passé comme prévu parce qu'en fait, en ouvrant la porte, il est tombé sur sa fille. Ah ouais, surprise d'accord. Surprise totale pour l'un et l'autre, évidemment. La fille s'est enfuie de l'hôtel, elle est partie en fait tout raconter à sa mère. Donc le père a découvert de un que sa fille se prostituait, de deux il a un peu perdu sa femme puisque elle-même s'est rendu compte qu'il faisait appel à des escort girls. Donc voilà, j'ai envie de dire moralité. Faites attention. Voilà. Ah, ne trompez pas, c'est pas ça, moralité. Hein. C'est juste, faites gaffe. Va tromper, mais faites gaffe. Non, c'est juste. J'ai envie de dire, c'est un peu le retour de bâton, comme on dit. Ah hein. Oui, ça c'est clair. Un bon retour de bâton. Et hein. Puis en fait, il se rend compte que c'est. Il fait appel à des escort girls, mais évidemment, quand il se rend compte que c'est sa fille qui fait le boulot, là tout de suite, ça lui pose problème. Donc c'est bien ça. Et franchement, dans l'absolu, heureusement que ça lui a posé problème. Putain, mais attends. Évidemment, non, mais t'es dingue. Attends, mais tu rigoles, mais il y en a, ils s'en foutent. Mais t'es dingue. Mais tu rigoles, mais. Oui, mais je sais. Ah bon, voilà, donc c'est ce que je dis. Heureusement que ça lui a posé problème. On ne craint plus que ça, tiens. Bon, 6h33 sur Fun Radio. Je vous rappelle la devinette qui colle là pour gagner vos billets d'avion. Ça peut être bien de se barrer de ce temps dégueulasse là. De politesse, elle est conforme à l'usage. Elle est magique ou algébrique. On proposait une baguette. Non, pas du tout. Ce n'est pas elle qui quand j'ai dit abracadabra, c'est oui parce que. Voilà, les gens arrivent à faire de la magie, tout ça, etc. Mais pour arriver à faire de la magie, pour faire une potion, il faut quelque chose avant, bien évidemment, pour pouvoir la créer, cette potion. Si vous avez la bonne réponse, 63-22 par SMS, ce n'est donc pas la baguette. Bonne chance tout le monde, il y a des billets d'avion à la clé. Puis on va écouter le son, comme promis, tiens, le son de Maroon 5 maintenant avec Christina Aguilera. C'est Moves Like Jagger sur Fun Radio. Bon réveil, c'est le 7 décembre aujourd'hui. C'était le son de Maroon 5 à l'instant avec Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Dans quelques instants, nous aurons la chance d'écouter le son de LMFAO avec Sexy and I Know It, bien évidemment. Et puis on va parler d'Omar et Fred maintenant avec July. Oui, parce que surtout, on parle beaucoup d'Omar pour l'instant avec le film Intouchable. Omar devient un peu... Non, je l'ai pas encore vu. Moi non plus, je suis assez emmerdé parce que tout le monde m'en parle et j'ai pas encore eu le temps de le voir. Moi non plus, j'ai pas eu le temps, mais je tiens à aller le voir parce que je pense que c'est un petit peu le film de l'année. Et donc Omar, c'est celui qui est de l'handicapé, hein, pour ceux qui n'avaient pas situé, qui est en général toujours avec son Fred, Omar et Fred, ceux du service après-vente des émissions sur Canal+. Donc ça fait 6 ans qu'ils ont déjà leur service après-vente des émissions et maintenant ils vont lancer un nouveau programme le 10 décembre. Maintenant il y a l'argent. Non, c'est un petit, forcément. journal sur Internet qui va s'appeler le www, donc le World Wide Web. Okay. Web, et c'est donc un journal présenté sous la forme décalée, tu vois, avec des petites infos, l'actualité passée au crible, mais avec forcément leur touche d'humour habituelle. Donc ils parleront politique, économique, etc. Mais sur leur ton humoristique. Et donc ce sera diffusé uniquement sur Internet à partir du 10 décembre. Et alors on soupçonne que ce soit un petit peu sponsorisé par Internet Explorer, parce que quand on voit la bande-annonce entre guillemets de leur émission, tu vois le gros logo qui apparaît un petit peu partout. Donc voilà, c'est uniquement diffusé sur Internet et je pense qu'ils ont trouvé des fonds facilement chez Internet Explorer. Bah, y a pas de raison, ils sont blindés, autant qu'ils aillent prendre là-bas, hein, c'est clair. Écoute, pourquoi pas. Donc voilà, donc on a hâte de voir ce que ça va donner à partir du 10 décembre. Eh bah très bien, bon, vous viendrez au jus le 10 décembre. Ah, c'est dans 3 jours, ça va super vite. Bien sûr, ouais, c'est vrai qu'on est déjà le 10 décembre, mon Dieu. Mm-hmm. Tous ces cadeaux de Noël en prévision que Julie va me préparer, c'est beau. c'est beau, ça me touche. Non, vraiment, ça me touche. Moi, elle m'a promis une PS3, donc. Ah, fort. Ah ouais, c'est pas mal. Tu vois, Julie, c'est ça là. C'est main sur le cœur. C'est la générosité même. Ah ouais, cette générosité. Plus gentil que Coluche, quoi. Trop de gentillesse, c'est dingue. 6h38 sur Fun Radio, bon réveil. C'est le 7 décembre aujourd'hui. Saint-Nicolas est passé nous voir hier d'ailleurs. Il y a les photos hein, si vous voulez sur mikael.fm et sur le Facebook. Hein, vous tapez mikael officiel tout simplement. Et puis dans un instant, comme promis, c'est le son des LBFAO avec Sexy and I Know It. Et puis juste après, il y aura aussi l'infotrafic et la ligne anti-relou sur Fun Radio. Ne bougez pas. Fun. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Yeah, it's morning time affair. Shug it. Mickaël. Fun. À la radio. Fun Radio. Yeah. Il est 6h43 sur Fun Radio, c'est le 7 décembre aujourd'hui, ça pleut beaucoup, notamment ça sur il pleut grave sur le Brabant wallon là, Namur aussi, Wavre, etc. Donc, ouais, donc voilà. Adaptez votre vitesse. Et en termes de vitesse justement, comme on en parle, c'est quoi l'infotrafic, que se passe-t-il? Eh bien travaux sur le 40 Bruxelles en direction de Ostende à hauteur de Drongen. La bande de droite est obstruée au kilomètre 52.4. Sinon tout va bien pour le moment. Pour le moment, en tout cas, c'est déjà pas mal. Ça effectivement. Ça ralentit évidemment pour rejoindre la capitale. Hein, évidemment, ça, évidemment. Bon, donc un message qui dit bonjour, j'ai connu pareil, c'était à tourner dans un club sexy, c'est par rapport à l'info de Julie. Et il y a une pièce noire et une femme, le problème, ben la femme est sortie de la pièce noire pour boire un verre et son fils venait de cette pièce. Je vous dis pas l'ambiance. Oui, tu m'étonnes. Bisous à tous, c'est Seb de Mons. Ouais, bah. D'ailleurs, en parlant de Mons, on sera demain à Mons également, dans la salle de sport, justement, pour faire du sport, hein, pour venir avec nous. Surtout, n'hésitez pas, vous venez, c'est rue de Nimi, si vous souhaitez venir nous rejoindre, il n'y a pas de problème. Rue de Nimi, on sera là en pleine forme, c'est au Power Gym, 69 rue de Nimi, à Mons, dès 6h, on sera là en direct avec vous toutes et vous tous pour faire un gros défi, rentrer à plus de 27 dans une Mini Cooper qui nous sera prêtée. Voilà. Donc, si vous voulez venir relever le défi avec nous, vous êtes évidemment les bienvenus. 69 rue de Nimi, Power Gym, donc c'est à Mons. On vous attend nombreux et nombreuses, surtout les petites personnes, pour rentrer à 27 dans la mini. Ce sera plus simple. C'est les MFO sur Fun Radio. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. C'est l'heure maintenant de la ligne anti-relou sur Fun Radio. 6h45, 7h45 et 8h45. Le meilleur du relou est sur Fun Radio. Et oui, c'est vrai que d'autres radios ne seraient pas forcément fiers d'en avoir, mais nous le sommes fiers d'en avoir. Car nous les avons grâce à vous. Et oui, c'est vous qui utilisez ce numéro de téléphone. C'est vous pour qui êtes le relou. Bah, non, c'est vous qui côtoyez peut-être sans le savoir, sans le vouloir, des relous. Et donc vous leur donnez ce numéro de téléphone-là pour qu'ils terminent sur la ligne anti-relou, le 0-473-86-00-13. Voilà, on va écouter maintenant le premier message de ce matin, écoutez bien. Ouais, Mélissa, c'est Chris. Bah écoute, tu m'as donné ton numéro, quoi, au Fiesta l'autre fois, là. Voilà, j'attends toujours que tu m'appelles, je voudrais lâcher ton minou, quoi. Je suis un spécialiste de l'échelle de minou. Oh, dis donc. Voilà, bah dis donc, bah, bon relou. C'est pas très relevé, quoi. Ah non, c'est bah, en même temps, c'est un relou, hein. On lui demande pas d'être relevé, hein. S'il était classe, il serait pas relou, hein. En même temps, c'est relou classe, ça existe. C'est vrai, un relou classe, ça existe, c'est vrai. En plus, c'est dégueulasse de lécher un chat, quoi. Ah, ouais, non, ça, effectivement, ouais. C'est vrai. Surtout quand on est allergique, évidemment. Bon, allez, deuxième message. Oui, Sandra, c'est Tony ici. T'avais dit que j'aime bien te reprendre la chanson, hein, tu vois, ça m'a mis, là, tu vois. Oh, merde. Je vais te le faire en beatbox, tu vas voir, tu vas apprécier. Écoute, hein. Là, on est tombé sur un casse-os. Oh, darling, darling, stand Ben voilà, écoute Sandra, j'espère que t'as aimé cette chanson. Ah, c'était magnifique. Et que voilà, tu pourrais me rappeler. Bisous, à bientôt. Tu rappelles un mec qui te laisse ça? Ah bah grave, directement elle fait « Je te rappelle car j'ai aimé ta chanson ». Tu vois, tu pourrais hein. Ah ouais, non, oh mais moi je tombe complètement sous le charme. Je pense que toutes les filles tombent complètement sous le charme. Ah oui, bah, je pense également. Continuez les gars, continuez à laisser ce genre de messages. Continuez comme ça. Si j'avais su, j'aurais chanté plus souvent sur Allez, message suivant. Oui ma biche, écarte tes cuisses, pour que je rentre ma saucisse. Je t'entends, c'est Rocco. Vanessa, tu vas pas me la faire à l'envers aujourd'hui quand même. Tiens-moi au courant, c'est Tarek, c'est Rocco, ok? Allez, encore une fois, écarte tes cuisses, pour que je rentre ma saucisse. Allez, je t'attends ma biche, ciao, à plus, bisous, ciao. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'adore celui-là. Eh, ils ont fait la nouvelle star ou quoi ce matin? Ah, c'est mon préféré. Tous. Ah non, mais ils chantent tous, c'est un truc de dingue. Ah bon, on a du lourd hein, ce matin, je pense. Ah, ouais, Julie est sous la table. Hein. Ouais, bon, pas qu'elle rit, c'est parce qu'elle est consternée. Allez, retour tout à l'heure de la ligne anti-relou 0473 86 0013. Si vous voulez vous débarrasser de tous les relous de Belgique, eh bien envoyez-les sur le répondeur. On compte sur vous. Retour de la ligne anti-relou tout à l'heure. Et puis je vous rappelle la devinette qui colle. Les nos amis du Grand-Duché du Luxembourg pourront jouer avec nous dès aujourd'hui. Il y aura un numéro SMS que je vous annoncerai dans quelques instants. Le temps d'écouter Rihanna maintenant, You The One sur Fun. C'est Lady Gaga qui arrive dans un instant avec Mary The Night. Il y aura l'info de Julie qui arrive dans un instant. Il y a un message qui dit troisième relou trop fort. Je vais avoir ça dans ma tête toute la journée. Bonne journée mes biches. Eh ben bonne journée à toi également. Tiens, passe une bonne journée aussi. Alors je vous rappelle la devinette qui colle. Écoutez bien, de politesse elle est conforme à l'usage. Elle est magique ou algébrique. Qui est-elle? J'ai dit abracadabra tout à l'heure hein, comme indice. Quelqu'un d'autre un indice éventuel à donner? Merlin, on connaît. Ah, Merlin, on connaît plein, effectivement, ouais, tout à fait, exactement. En général, il y en a plein dans un. Ah, bah, vas-y, Il y en a plein en mathématiques aussi. T'auras quand même pu être galant et laisser passer Julie devant. Enfin bon, espèce de point. Il y en a plein en mathématiques, malade, ça ne va pas, il est pas bien, il a froid. Et Julie, t'as à dire? Il y en a plein dans un grimoire. Il y en a, oui, oh, dans un grimoire, c'est vrai, effectivement. Oui, c'est un mot difficile que personne ne comprend autour de cette table. Hein. Mais je pense que comment elle se la ramène? Ça parce qu'elle est journaliste. C'est un livre de coloriage, on a compris. Ça parce qu'elle est journaliste, alors tu vois. Bon, si vous avez la bonne réponse, il y a des billets d'avion à la clé, 63, 22 par SMS, c'est 1 € le message pour toute la Belgique. Et puis il y a un numéro aussi, c'est un peu plus long évidemment, mais c'est marrant parce que le pays est plus petit. Hein. Pour le Grand-Duché du Luxembourg, donc 621, 783, 605. Ah bah voilà. Oui, c'était tout simple. Oui, bah je suis désolé, j'ai pas eu plus court. Voilà, donc 621, 783, 605 si vous voulez participer aussi. Amis du Grand-Duché du Luxembourg, je vous rappellerai le numéro et puis je l'ai mis aussi sur le Facebook et sur le Twitter, hein, M.I.K.L. officiel. Si vous voulez venir, n'hésitez pas, bien évidemment. Bon, alors, on va faire chier du monde ce matin donc. Parce que t'es tombé sur un sondage a priori, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, c'est un sondage qui dit combien de fois les gens penseraient au sexe. D'ailleurs, vous, combien de fois vous pensez au sexe à peu près? J'en sais rien, moi quand j'y pense, je me dis pas ah j'y pense, donc tu vois c'est. Ah ouais mais faudrait que tu notes. Bah ouais je suis bien mais bon. Mais en même temps je suis sûr que les filles et les mecs c'est différent donc bon. Oui bah exactement, hein, donc ce sont des chercheurs très très. Bah, avec ça à faire aussi hein. Oui. De l'Ohio aux États-Unis. Ouais. Et donc qui pensent que en gros les mecs ils pensent à peu près le double de fois que les filles. Hein, ah oui, quand même. Ouais les mecs c'est 18,6 fois à peu près. Et les meufs, c'est un tout petit peu moins de 10 fois. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, donc les mecs sont pervers alors. Hein. Ah, bien, ah bah oui. Tiens, c'est nouveau. C'est, ça. C'est une info exclusive, tiens. Je suis vite content, on adore l'exclusivité. T'as pas un jingle quelque chose? Ah non, là, pas là sous la main, tient, malheureusement. On tient un scoop. Et oui, Julie, donc sur le terrain, peut nous l'annoncer aujourd'hui. Tout à fait, les hommes pensent plus souvent au sexe que les femmes. Bon, donc du coup, on va appeler, tu vas vérifier ça, j'imagine? Évidemment. Bah, c'est parti, on va aller appeler à Ayrton. C'est Ayrton qu'on va là-bas. Eh bah c'est sûr, allez c'est parti. Bah non, arrête. C'est très dur, c'est ça. Allez, c'est parti. Ils seront pleins de formateurs si en plus, ça qui est bien. Mais oui. Allô. Oui, bonjour monsieur. Oui. Oui, voilà, je vous appelle parce que il paraîtrait que les hommes pensent environ 18 fois, 19 fois au sexe par jour. Et je voulais savoir combien de fois vous y pensiez. Je ne comprends pas. Bah, combien de fois vous pensez au cul par jour? Je vous remercie, monsieur. Moi, je ne suis pas de genre-là. D'accord. Mais vous pensez quand même de temps en temps un petit peu à la fesse. Non, il ne souhaite pas répondre. Il ne souhaite pas répondre, c'est dommage. Hein, ça a raccroché d'ailleurs. Je suis très déçu. Bon, on va le rappeler. Ah oui. Bah oui. Allez, on va c'est rester là-dessus. Il n'y a pas de ce bord-là. Enfin, de ce genre-là. Ce genre. Allô ? Oui, excusez-moi, nous avons été coupés. Je n'ai pas eu votre réponse. Je vous remercie de... J'ai pas besoin de vos... C'est dur, hein, de vos... De vos... Machin. J'ai rien à voir avec ça. Et c'est pas la question de savoir si vous avez à voir avec. Je vous demande juste combien de fois vous y pensez. Vous n'avez pas dormi, vous ? Bah non, là, je suis déjà levé, donc... Ah ouais, moi, je ne suis pas levé. Bah bon, il est pas levé, mais il parle quand même. Ouais, c'est difficile le matin pour tout le monde, c'est normal, hein. Non, mais tu vois, c'est logique. Bon, allez, on rappelle encore. Dormant. Mais oui, encore un petit dernier coup, là. Allez, c'est pour moi. C'est parti. Oui, excusez-moi, on a été coupé, je n'ai pas eu votre réponse. Il y a une étude qui dit que les hommes pensent 18 fois environ, 18-19 fois. Oh, 5 heures, oh là, tout de suite exagéré, oh, quel cinéma alors. Ces gens qui ne savent pas lire l'heure. Mais c'est ça, non mais sans déconner quoi, tout de suite exagéré. C'est-à-dire qu'il y a un 5 sur le réveil, ça y est, il est 5 heures. C'est ça, alors qu'il est 57, 6h57. Bon, on s'écoute Lady Gaga avec Marry the Night et on revient juste après avec l'info de Julie. I'm gonna marry the night. Lady Gaga sur Fun Radio à l'instant, Marry the Night. Il y aura Cobra Starship dans un instant aussi. Puis je vous rappelle une petite fois la devinette qui colle de ce matin pour repartir avec vos billets d'avion de manière à quitter ce pays où il va faire dégueulasse pendant les prochaines semaines, voire mois d'ailleurs. Écoutez bien la devinette qui colle de ce matin. De politesse, elle est conforme à l'usage. Elle est magique ou algébrique. Qui est-elle ? Si vous avez la bonne réponse, on proposait un enchantement. Non, pas du tout, hein, pas du tout. Il y en a un qui dit, oui, comme indice. Oui, oui, c'est vrai qu'on pourrait le dire, mais je ne peux pas le dire parce que sinon je donne la réponse. Mais ça existe également en voiture de course. Ah oui, ouais. Ah oui, voilà. Ah oui, c'est un Renault ou 3. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Bon, si vous avez la bonne réponse, 63-22, c'est 1€ le message. Ou alors, si vous êtes du Grand-Duché de Luxembourg, 621-783-605. Oui, c'est un peu long, je suis désolé, mais bon. 621-783-605 pour participer également. Voilà. Bon, allez, bonne chance tout le monde. Dans un instant, je vous rembourse les factures également. Je vous explique comment ça va se passer. Et puis, les Cobra Starship, comme promis. Cobra Starship avec Sabi, ce sera You Make Me Feel dans un instant sur Fun Radio. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Jean-Roch, tous les matins j'écoute Mickaël, j'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Fun Radio. Proposer racine ou une potion, non, ce n'est ni l'un ni l'autre, hein. Cherchez un peu plus loin. 7h01 sur Fun Radio, c'est l'info maintenant avec Julie. Bonjour à tous, le Premier ministre Elio Di Rupo présentera aujourd'hui sa déclaration de politique générale devant les députés à la Chambre. Hier, les 19 ministres et secrétaires d'État du gouvernement Di Rupo Ier ont prêté serment devant le roi. Elio Di Rupo a ouvert la marche en prononçant le serment dans les trois langues nationales. À l'exception de Sabine Laruelle, tous les ministres francophones n'ont prêté serment en français et en néerlandais. Parmi les ministres flamands, Steven Van Ackeren et Hendrik Bogart se sont également exprimés dans les deux langues. Et puis c'est le chef de groupe PS à la Chambre, le liégeois Thierry Hiet, qui va remplacer Elio Di Rupo à la tête du Parti Socialiste. Environ 20 000 à 30 000 personnes sont attendues dans les rues de Liège aujourd'hui. Le Front commun syndical appelle à la mobilisation générale en soutien avec les sidérurgistes d'ArcelorMittal. Le rassemblement débute dès 8h30 aux terrasses. Le cortège s'élancera à 10h dans les rues de la ville pour s'achever au kiosque du parc d'Avrois. De grosses perturbations sont à prévoir dans la région. Les transports en commun, les écoles, la collecte de déchets, bref, de nombreux secteurs seront perturbés ou simplement à l'arrêt. Le calme est revenu hier soir peu après 22h dans le quartier Matongé à Bruxelles après une manifestation anti-Kabila. Plus de 200 personnes ont été interpellées durant la journée, 3 voitures ainsi que de nombreux sacs poubelles ont été incendiés par les manifestants. En République démocratique du Congo, Joseph Kabila est toujours donné vainqueur. Les résultats devraient être connus dans les 48 prochaines heures. L'agence de notation Standard & Poor's a placé sous surveillance négative la note du Fonds européen de stabilité financière, conséquence de sa décision de placer sous surveillance les pays de la zone euro. Et puis enfin, en sport, football en Ligue des Champions en dernière journée de phase de poule, Genk a sauvé son honneur et quitte la compétition sur un partage 1-1 avec le Bayer Leverkusen. Il est 7h03 sur Fun Radio, le remboursement de vos factures. Je vous explique comment ça se passe après la météo. Et la météo, c'est maintenant. La journée sera maussade et venteuse. La matinée s'écoulera sous la pluie et sous des précipitations à caractère hivernal sur les reliefs ardennais. L'après-midi, on parlera plutôt d'averses, rafales de vent en prime, température de 4 à 10 degrés. Demain, pareil, toujours sous la pluie. Eh ben, bonne nouvelle, tiens, voilà. Donc les factures, on vous les rembourse dans un instant. Après la Saint-Nicolas et avant les fêtes, ça peut toujours faire plaisir. Explication dans 30 secondes sur Fun. Fun Radio. Fun Radio. Et je vous le disais, nous allons rembourser vos factures dans un instant, comme chaque matin à 7h10, 8h10 et 9h10, ce qui veut dire que c'est dans 5 minutes que nous allons démarrer ça. Si vous voulez vous inscrire pour qu'on vous rembourse votre facture, déjà profitez-en, puisque forcément à 7h, il y a moins de monde qu'à 8h et à 9h, hein, forcément. Donc si vous voulez vous inscrire, 63-22, vous débutez le message par facture, avec le montant et l'objet de la facture, 42€ qu'on propose mais on n'a pas mis pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a également ? 123€ pour les vêtements des enfants, 55€ mais on ne sait pas pourquoi non plus. Facture de gaz, 91€, 78€ pour une paire de bottes, 69€ pour un ensemble de Mère Noël. Ah, c'est Nata ou Nathan ou Nathalie, je ne sais pas très bien. 80€ pour le toilettage et des habits pour le chien. Ah, dis donc. 1500€ pour le camping des enfants. Ah oui, quand même, cher le camping. Hein. Bon, si vous voulez qu'on vous rembourse votre facture, eh bien, sachez qu'on vous appelle chez vous en direct dans 4 minutes. 63-22, débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. C'est 1€ le message, bonne chance. Et quelle est l'info en plus ? Alors, je vais te lire... Une info, c'est plutôt une... j'arrive plus à retrouver mon mot, c'est sur leboncoin.fr, c'est une annonce, ouais. Voilà, mon Dieu, c'était le mot que je cherchais. Ah, une annonce, d'accord. Une annonce sur leboncoin.fr où tu peux vendre un peu entre particulier à particulier. Donc c'est une annonce, à Auchel, dans le Pas-de-Calais, vend 4 enfants de type européen de 3 à 10 ans, autonomes, pucés et dociles, prix 250€ l'un, les 4 pour 950€, acheter un gratuit, prix à débattre, urgent, cause déménagement. En fait, c'est un jeune homme qui a voulu faire une petite blague et il a donc mis en vente, pour rigoler bien sûr, ses enfants, sa belle-mère et sa petite amie dans la rubrique animaux sur leboncoin.fr. Alors, l'annonce a été publiée dans la nuit du 23 au 24 novembre. Évidemment, ça a choqué les internautes qui ont... Attends, excuse-moi, moi ça m'aurait choqué aussi. Ah ouais, bon, c'est une vanne. Qui ont immédiatement prévenu la police, qui s'est vite rendu compte qu'il ne s'agissait pas d'un trafic d'enfants, mais tout simplement d'une blague. Donc effectivement, le jeune homme a déclaré oui, c'était pour délirer. Il avait essayé de vendre un motoculteur sur ce site-là, ça n'avait pas marché. Il a donc mis une autre annonce en ligne pour rigoler. D'accord. Donc voilà, toujours est-il que maintenant il est poursuivi pour atteinte à la vie privée envers les 4 enfants. Ah ouais. La photo est restée en ligne pendant 10 heures. Oh là là là là là là. Moi je propose qu'on essaye de vendre Julie. Bah écoute, essaye. Hein. Bah écoute. Journaliste très bon état, peu servi. Oui, peu servi. Vient de temps en temps. Tuné en jupe aujourd'hui. Ouais. On en vendrait plus qu'on en tirerait plus que d'habitude. Hein. Ah, là, je pense qu'il faut en profiter. Hein. C'est l'occasion de ne pas rater. Hein. Ouais. Toujours gagnant, jamais perdant. Venez, venez. Allez. Sexy, une fois par mois. 7h07 sur Fun Radio, bon réveil. Les factures, on vous les rembourse dans un instant. Donc 63-22, code facture avec le montant et l'objet de la facture. Et pareil pour le Grand Duché du Luxembourg, même si vous en avez moins besoin. 621-783-605, c'est le numéro des SMS. Et puis Cobra Starship, je vous en avais parlé. On se les écoute tout de suite sur Fun Radio. Cobra Starship, c'est You Make Me Feel. Bon réveil. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Et on paye vos factures sur Fun Radio chaque matin. Ça se passe donc, vous le savez, à 7h10, 8h10 et 9h10. Il suffit simplement de nous envoyer votre message, tout simplement, au 63-22. C'est 1€ le message. Vous le débutez par facture avec le montant et l'objet de la facture. Et puis bah, nous, on vous rappelle tout simplement pour vous rembourser votre facture si toutefois vous répondez correctement à la question. La question qui est la suivante, je vous le rappelle une fois de plus. Radio ou qui vous paye les factures tous les matins. Voilà, si vous avez la bonne réponse, hop là, on vous rembourse la facture. Et c'est parti, on va rembourser un abonnement de train là maintenant. Ça fait toujours plaisir et ça sert surtout. Allô ? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, je vous dérange pas ? Non. Très bien, qui paye les factures le matin ? C'est Mickaël. Eh oui ! Comment tu t'appelles ? Sarah. Sarah, bienvenue Sarah, t'as quel âge, t'es dans quelle ville ? 18 de Namur. 18 ans de Namur, 107.5 pour écouter Fun Radio à Namur. Il a bien plu ce matin Namur, non ? Ouais. Ça douche encore là ou pas ? Ouais. Ah ouais, bah à mon avis, il y en a pour toute la journée d'après ce que Julie a dit. Hein. Ça va tomber jusqu'à ouais, demain là, tout ça. Je suis dans le train et. Ah bon, bah ça va alors. Bon, bah Sarah, on va te rembourser ta facture de train, ton abonnement alors. Hein. Et puis bah tu restes je t'en prie avec plaisir. Tu restes au standard, on va t'expliquer comment ça fonctionne, d'accord ? Ouais, ça va. Je te fais des bisous, Sarah. C'est génial, merci. À bientôt, ciao à toi Sarah. Et si comme Sarah vous voulez faire, vous voulez qu'on vous rembourse votre facture, eh bien vous vous inscrivez, on remet le couvert à 8h10, 63-22, c'est 1€ le message. Débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Et pour nos amis du Grand-Duché du Luxembourg, c'est un autre numéro, vous devez envoyer ça au 621-783-605. Allez, on revient dans un instant, comme promis avec le son de Likili. Voilà, Likili avec I Follow River, son que vous avez découvert sur Fun Radio il y a pas mal de mois maintenant. Il y aura l'arrivée et le retour aussi de notre ami Doudou, là, qui devrait normalement ne plus être malade contrairement à hier. Ne bougez pas, Likili à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Petit rappel et dernier rappel de la devinette qui colle, car dans 5 minutes on donnera la réponse et on offrira les billets d'avion donc à ceux qui se seront inscrits. De politesse et les conformes à l'usage, elle est magique ou algébrique. Qui est-elle? Si vous avez la bonne réponse, 63-22, c'est 1€ le message. Bonne chance, dans un instant et après l'horoscope, on appellera quelqu'un pour lui offrir ses billets d'avion s'il a la bonne réponse. Bonne chance. Fun Radio. Fun Radio. L'horoscope. Allez, l'horoscope maintenant avec notre ami Doudou. Hein. Bah alors Doudou, qu'est-ce qui vous est arrivé hier là? Pour ceux qui n'étaient pas là, il a été remplacé par, par Maître Ping, le restaurateur du coin de la rue là. Oh là là là là, mais c'est ce temps là, oh là là. Ah oui, là, c'est l'hiver, Doudou, là, faut vous habiller plus chaudement là. Ah mais c'est pas possible, c'est pas humain de vivre dans ce froid, même dans mon frigo il fait plus chaud. Non mais attendez, vous avez encore de la chance, l'année dernière il y avait déjà de la neige à cette époque là. Oh là là, ce truc blanc qu'on voit que dans les histoires pour enfants. Non mais c'est pas une légende, Doudou, ça existe la neige, vraiment hein. Mais non, c'est pas croyable. Si, vous allez voir, ça va arriver bientôt, hein, je pense. Hein. Oh là là là là là là là là. Bon allez, les béliers, on va commencer par eux. Oh, poussez de préférence vos engagements et rendez-vous à plus tard pour avoir plus de succès. Les taureaux. Vous avez retrouvé l'harmonie longtemps espérée. Vous êtes de nouveau dans votre élément. Les gémeaux. Réfléchissez à la solution des problèmes et surtout essayez-les. Les cancers. Quelque chose est en train de se préparer. Ça va changer radicalement votre vie. Mais quelque chose de bien, Doudou. Ah, ça, je sais pas. Ah, bah voilà. D'accord, ça, on sait pas. Bah, c'est, il te donne l'info et puis démerde-toi. Ah bah oui, moi ça, je dis ça va changer radicalement. Bah ouais, on va voir. Après, c'est peut-être soit le chômage. En bien ou en mal, on va voir. C'est horrible. Les lions. Mettez de l'ordre dans votre vie et faites une pause. Les vierges. Écoutez vos amis quand ils vous mettent en garde contre les fausses idées. Les balances. Savourez sans remords votre attirance sur les autres. C'est une période formidable. Les scorpions. En ce moment, il y a des choses plus importantes que les soucis financiers car ils ne sont pas justifiés. Les sagittaires. Soyez plus courageux dans vos prises de décision. Les capricornes. De temps en temps, vous devriez vous accorder un peu plus de repos. Les verseaux. Ne pensez plus au travail. Aujourd'hui, c'est une journée sans fait particulier. Et pour finir, les poissons, Doudou. Même s'il vous faut encore régler beaucoup de choses, pensez à souffler un peu pour avoir assez de force pour continuer. Bon, on vous retrouve dans une heure. Ah bah oui, pas de problème. C'est parti. Allez, dans une heure, Doudou, alors. 7h18 sur Fun Radio. Bon réveil, tout le monde. C'est le 7 décembre. Et puis bon courage aussi si vous sortez. C'est Martin Solveig qu'on écoute maintenant. Big in Japan. 7h20 sur Fun Radio, dans quelques instants, il y aura la nouvelle parodie, mais sur le gouvernement, parce qu'il y a un nouveau gouvernement, vous le savez, depuis avant-hier. Et donc forcément, on a décidé de faire une petite chanson pour célébrer ça. On fera ça d'ici quelques petits instants également. Et nous allons accueillir d'ici quelques instants également, bah même maintenant, Jérém qui est avec nous. Salut Jérémy. Salut. Comment vas-tu? Oh, salut. Ça va très bien et toi? Eh ben écoute, ça va plutôt bien aussi, Jérémy, tranquille. T'as 18 ans, t'appelles de Gilly, toi. Et tu avais la bonne réponse, a priori, à la devinette qui colle, c'est-à-dire de politesse et les conformes à l'usage, elle est magique ou algébrique, qui est-elle? Une formule. Ben c'est une formule, exactement, oui, c'est la bonne réponse. Bravo à toi. Tu repars avec donc cool. Avec tes billets d'avion, Jérémy. C'est vraiment cool. Merci. Et voilà, en toute simplicité, tu vas pouvoir quitter cette grisaille et cette pluie belge pour aller ailleurs, hein. Peut-être ailleurs sous la pluie aussi, on sait jamais, hein. Mais en tout cas, oui. Tu seras plus ici, tu seras plus au même endroit. Et ça, c'est la bonne nouvelle, voilà. Eh ben, Jérém, bravo à toi, tu restes au standard, on va t'expliquer comment ça se passe pour la suite, d'accord? Ok. Passe une bonne journée, Jérém. Merci, vous aussi. À bientôt, ciao à toi. Merci. Et puis les autres, bah, restez là dans 5 minutes. Nouvelle devinette qui colle pour repartir avec de nouveaux billets d'avion. Donc ne bougez pas de là. Et puis cette nuit, il fallait que je vous parle d'un truc. Cette nuit, je suis tombé sur une vidéo improbable. C'est une meuf qui veut participer à un casting de relooking parce qu'elle a un peu de mal à rencontrer des mecs. Alors je vais la laisser se présenter. Écoutez, c'est particulier. Bonjour, je m'appelle Cindy, j'ai 40 ans. Je suis originaire de Montcornet dans l'Aisne. En en Picardie. En Picardie. Qu'est-ce que c'est que cette voix? Donc elle est française. Oh, hein. Ouais, j'ai oublié de vous prévenir qu'elle était du nord de la France. Hein. Mais vous n'avez pas. Compris, t'inquiète pas. Ouais, ah bon, c'est au jamais. Mais vous n'avez pas encore entendu le problème de Cindy, car Cindy a un problème. Et je raconte beaucoup de gars par écrit, à beaucoup de prises de contact. Ouais, c'est mieux. Maintenant, je constate que dès qu'on passe à la vidéo, et ben quasiment instantanément, les gars, ils coupent. Hein. Ah oui, bah, ça c'est. Oui, elle devrait essayer juste par téléphone. Hein. Je suis pas sûr que ce soit la vidéo le souci. C'est clair. En tout cas, elle en est persuadée. Hein. Alors, je sais pas si c'est des gars qui voudraient que je leur montre mes gougouttes dès le premier rendez-vous, mais moi je suis pas une fille comme ça. Hein. Que je lui montre mes quoi? Ses gougouttes, voilà. Mais heureusement, elle a ses copines pour la soutenir et ça c'est beau, heureusement. Heureusement, l'amitié fait tout, l'amitié. Alors, j'ai mes copines de l'association des Cougars Picards de la section de 50 hein, qui m'ont dit, Cindy, il faut te poser les bonnes questions. Oui, effectivement, je pense qu'il serait bon de te poser les bonnes questions, Cindy. Hein, ça c'est. Voilà, donc c'est l'association des Cougars Picards. Oui. Je serais bien curieux de les rencontrer parce que ça doit être exceptionnel leur réunion. Bah, c'est du très très lourd. Hein. C'est comme quoi sur internet on peut tomber sur des trucs comme ça, on cherche une info et on se retrouve sur cette vidéo et on ne sait pas pourquoi. Ah et oui, on arrive dessus comme ça, c'est le hasard comme par hasard. Elle c'est une vraie psychopathe. Ah oui, elle est au top quoi. Elle est au top du top. Bon allez, on écoute le son de Jeremiah 50 Cent maintenant, c'est Down on Me sur Fun Radio. 7h26 sur Fun Radio avec Jeremiah 50 Cent à l'instant, c'était Down on Me. Et attention, nouvelle devinette qui colle. Pour repartir avec vos billets d'avion maintenant, écoutez bien, il peut être rond, carré et bien moulé. Servi au marché, il est découpé. Ça ne vaut pas le coup d'en faire un, surtout pour de tout petits riens. Qui est-il? Dernière phrase n'étant pas indispensable, je vais la zapper la prochaine fois. Il peut être rond, carré et bien moulé, servi au marché, il est découpé et il peut également puer un truc de dingue. Mais il y en a qui puent pas forcément. Si vous avez la bonne réponse, c'est des billets d'avion qui sont à gagner. 63,22 par SMS, c'est 1€ le message. Billet d'avion peut-être pour vous d'ici quelques minutes. Bonne chance tout le monde. Et dans quelques instants sur Fun Radio, l'info arrive évidemment. Et il y aura aussi le son de Jay-Z, Kanye West et Mr. Hudson. Ce sera Why I Love You sur Fun. Ne bougez pas. Fun. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. Exactement, et c'est tous les matins sur Fun Radio. C'est comme ça que ça se passe avec la nouvelle chanson du gouvernement qu'on vous diffusera d'ici quelques instants. Et puis toujours la devinette qui colle. Là, il peut être rond, carré et bien moulé. Servi au marché, il est découpé. Qui est-il? Il peut puer sa race également. Hein. Hein, quoi? Mon sexe? Non, pas du tout. Tes pieds? Merci à toi. Non, mais par contre, il peut y en avoir dans les pieds en général. Enfin, c'est une image, évidemment, car ça n'existe pas en vrai. Ah ouais. Mais voilà, donc ça peut être dégueu. Faut aimer, moi personnellement, je trouve ça immonde. Mais bon, ce n'est pas du pain, car du pain pue rarement. Hein. Oui, quand même le dire. C'est vrai. Faut quand même le dire, voilà. Non, mais ça se met, bon, ça se mange, quoi, voilà. Voilà, faut le vouloir, mais ça se mange. La bonne réponse au 63,22, c'est 1€ le message. Il y a des billets d'avion qui sont à la clé. Bonne chance! Et maintenant, passons à l'info à 7h30 avec Julie. Bonjour à tous. Entre 20 000 et 30 000 personnes sont attendues dans les rues de Liège. Aujourd'hui, le Front commun syndical appelle à une mobilisation générale en soutien aux travailleurs ArcelorMittal. Le rassemblement débute dès 8h30 aux terrasses. Le cortège s'élancera à 10h dans les rues de la ville pour s'achever au kiosque du parc d'Avroy. De grosses perturbations sont à prévoir dans la région. Les transports en commun, les écoles, la collecte des déchets, bref, de nombreux secteurs seront perturbés ou tout simplement à l'arrêt. Les autres sites européens d'ArcelorMittal sont appelés à débrayer en solidarité. Politique, le Premier ministre Elio Di Rupo présentera aujourd'hui sa déclaration de politique générale devant les députés à la Chambre. Les temps sont à l'austérité, ça on le sait, et tout le monde doit faire des efforts. Dans ce contexte, le gouvernement veut montrer l'exemple. La déclaration de politique générale prévoit une réduction de 5% de la rémunération des ministres, ce qui peut faire une économie de 32 000 euros par mois. Et puis, c'est le chef du groupe PS à la Chambre, le liégeois Thierry Giette, qui va remplacer Elio Di Rupo à la tête du Parti Socialiste. Le calme est revenu hier soir, peu après 22h, dans le quartier Matongé à Bruxelles, après une manifestation anti-Kabila. Plus de 200 personnes ont été interpellées durant la journée. 3 voitures ainsi que de nombreux sacs poubelles ont été incendiés par les manifestants. En République démocratique du Congo, Joseph Kabila est toujours donné vainqueur. Les résultats devraient être connus dans 48 heures. L'agence de notation Standard & Poor's a placé sous surveillance négative la note du Fonds européen de stabilité financière, conséquence de sa décision de placer sous surveillance les principaux pays de la zone euro. Et puis enfin en sport, en football, en Ligue des Champions, en dernière journée de phase de poule, Genk a sauvé l'honneur et quitte la compétition sur un partage 1-1 avec le Bayer Leverkusen. Et puis Philippe Gilbert a été élu comme l'année dernière mérite sportif masculin de la Fédération Wallonie-Bruxelles de l'année. Côté féminin, c'est la jeune judoka Charline Van Snick qui l'a emporté. Il est 7h32 sur Fun Radio. Dans un instant, nouvelle devinette qui colle. Enfin, je vous la rappelle en l'occurrence. Et puis on va passer à la météo maintenant sur Fun. C'est parti. Journée maussade et venteuse. La matinée s'écoulera sous la pluie et sous les précipitations à caractère hivernal sur les reliefs ardennais. L'après-midi, on parlera même d'averses, rafales de vent, température de 4 à 10 degrés. Il fait un petit peu plus doux. Demain, toujours sous la pluie. Très bien. Bon, et si ma machine le veut bien, oui, nous allons. Oui, ça va faire un petit peu du mal. Ah, ouais. Nous allons maintenant passer à l'info en plus. Alors, il y a une. Bon, on sait que la télé-réalité fait un peu tout et n'importe quoi. Bien, une surtout nouvelle... n'importe quoi d'ailleurs. Surtout n'importe quoi. Il y a une nouvelle télé-réalité qui arrive. Elle s'appelle Starving Secrets. Et c'est un nouveau programme de télé-réalité diffusé sur une chaîne américaine, la chaîne Lifetime. Ouais. Et en fait, c'est une télé-réalité qui ne cache rien sur l'anorexie. Donc, au cours de chaque épisode, Tracy Gold, qui est une comédienne connue toujours, surtout pour un rôle dans Quoi Neuf, Docteur. Ah, ça me dit quelque chose. Voilà. Ouais. Et elle devient le coach de deux jeunes filles qui souffrent de troubles alimentaires parce que l'actrice sait de quoi elle parle. Elle s'est battue contre l'anorexie durant de nombreuses années. Donc on peut voir par exemple la jeune Mélissa, 22 ans, qui se vomir après des crises de boulimie, ou alors Rivka, 28 ans, qui marche pendant 6 heures pour éliminer 1500 calories ingurgitées honteusement, parce qu'elle voilà, se sent honteuse d'avoir fait ça, et tu la vois marcher pendant 6 heures. Donc c'est pas plus mal. Enfin, une télé-réalité qui, ok, elle va être difficile, elle va encore être très ça va être du voyeurisme, bon ça on le sait comme d'habitude. C'est la télé-réalité, mais, ouais, hein. Mais au moins ça montre le vrai côté de l'anorexie, et ça, si ça peut aider quelques jeunes filles, pourquoi pas. Ça peut être pas mal, pour une fois ça peut être pas mal. À voir après comment est-ce qu'ils vont le détourner en Europe, hein. Mais bon, ouais, ça... surtout en Hollande et en Grande-Bretagne, ils adorent ça. Bon, si vous avez la bonne réponse à la devinette qui colle, sachez que vous risquez de repartir avec votre billet d'avion. Je vous en reparle dans un instant. Pareil aussi pour la chanson du gouvernement qu'on va vous diffuser juste après le son de Jay-Z maintenant. Jay-Z et Kanye West avec Mr. Hudson, c'est Why I Love You. Bonne matinée sur Fun. Oh, oh. Voilà le son de Jay-Z. Oui, désolé, mais Love, il m'a donné des bonbons. J'en ai plein les dents, ça colle. Ah oui. Ah, c'est très désagréable. Et je te rappelle que tu es au régime. Hein. Ouais, je sais, mais enfin, je me suis dit un petit écart là. Oh, bah, c'est pas ça qui va me tuer. Hein. Puis demain, on va aller faire du sport, donc c'est pas grave. Ouais, bah, c'est ça, exactement. Demain, je rappelle qu'on sera d'ailleurs au. 69 rue de Nimi à Mons, c'est au Power Gym. C'est une salle de sport, on va faire un défi d'ailleurs, et on a besoin de vous d'ailleurs, donc on compte sur vous pour venir nombreux dans la salle de sport nous rejoindre. Il va falloir être plus de 27 dans une mini. Donc voilà, si vous avez envie de venir, bah n'hésitez pas, surtout vous êtes les bienvenus. On sera là en direct à partir de 6h. On aura normalement le petit déj et tout, ça va être cool. Donc si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Power Gym, 69 rue de Nimi à Mons. On vous attend dès 6h du mat. Bon, vous le savez, bah il y a un nouveau gouvernement depuis avant-hier. Et comme vous l'avez demandé, bah, on va vous la remettre un petit coup. Notre chanson pour fêter l'arrivée de ce nouveau gouvernement après seulement 540 jours. Ça va seulement. Ouais. Attends, tu vois, on n'est pas dans le détail quoi. Hein. C'est bien, quand même on pas a chipoter, battu un petit record, c'est bien, on est dans même le Guinness deux. Book. Même deux records, apparemment, d'après ce que j'ai entendu, c'est aussi celui du pays qui a mis le plus de temps à former son gouvernement une fois qu'ils ont eu l'accord. Tu vois, savoir qui va aller à quelle place pour au final faire un truc pareil. Mais enfin, tout est expliqué dans la chanson. C'est quoi ce gouvernement ? C'est quoi ce gouvernement? Ils nous prennent vraiment pour des glands. Attendre plus de 500 jours pour avoir les mêmes qu'avant. C'est quoi ce gouvernement? Maintenant c'est vrai qu'il était temps. Car s'il n'y avait pas eu d'accord, l'Europe nous l'aurait mise dedans. Voilà que c'est arrangé, ouais on est gouverné. Mais après une telle attente, on peut quand même critiquer. Pas grand chose n'a changé, ouais les mêmes sont restés. Il faut croire que pendant un an et demi, ils ont chômé. Espérons qu'ils arrivent à tenir jusqu'aux élections. Que le néerlandais Delio soit un peu moins légaux. Que les bons d'État fassent émerger l'euro. Et qu'ils ne finissent pas dans les poches de Moreau. C'est quoi ce gouvernement? Ils nous prennent vraiment pour des glands. Attendre plus de 500 jours pour avoir les mêmes qu'avant. C'est quoi ce gouvernement? Maintenant c'est vrai qu'il était temps. Car s'il n'y avait pas eu d'accord, l'Europe nous l'aurait mise dedans. C'est quoi ce gouvernement? Ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh. C'est quoi ce gouvernement? Ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, yeah. Voilà la nouvelle chanson du gouvernement. Eh oui, en toute simplicité, hein. Oh là là là, la belle chanson qu'on remettra peut-être tout à l'heure d'ailleurs, hein, si vous en avez, si vous avez aimé, vous nous le dites, n'hésitez pas. 3044 ou alors Facebook et Twitter, Mickaël officiel. Tiens, il y a un camion en feu au niveau des quatre bras, ring bloqué, N4 direction Bruxelles à l'arrêt depuis Wavre et la E411 direction Bruxelles à l'arrêt depuis Wavre également. Eh bah bon courage, on parlera de l'infotrafic d'ailleurs dans un instant avec Julie justement. Et puis je vous rappelle la devinette qui colle aussi pour repartir avec vos billets d'avion gratuits, forcément. Si vous avez la bonne réponse, il peut être rond, carré et bien moulé, servi au marché, il est découpé. Qui est-il? Il peut puer, d'ailleurs c'est souvent le cas, hein. Il peut grave puer, il peut être également de couleur, soi-disant. Voilà, ça c'est quand il est moisi par contre. Si vous avez la bonne réponse, qui est-il? 6322, billet d'avion à gagner au 6322, c'est un euro le message ou pour nos amis du Grand-Duché du Luxembourg, le 621-783-605 pour jouer avec nous. Vous êtes les bienvenus dans un instant, c'est Kerry Hilson qui débarque. Et ce sera Lose Control, bien sûr. On parlera dans un instant aussi de l'infotrafic comme prévu, et la ligne anti-relou qui débarque. Mickaël à la radio. Mickaël revient juste après ça. Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, oh, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. En direct avec Kerry Hilson dans un instant, une Ellie Lose Control. Et à 7h46, quel est l'infotrafic? Que se passe-t-il sur les routes? Soyez très prudents, il y a de nombreuses chaussées inondées, comme sur le 19 Bruxelles en direction de Mons-Valenciennes, à hauteur de Nivelles, bande de gauche obstruée, situation dangereuse, c'est la troisième bande qui est sous eau. Chaussée inondée toujours sur la E19, mais à hauteur du kilomètre 24 et 26, véhicule en panne sur le 40 Bruxelles en direction de Ostende, à hauteur de Bernum. Et puis chaussée inondée sur le 42 Mons en direction de Namur-Liège, bande de gauche obstruée au kilomètre 97, toujours la troisième bande qui est sous eux, soyez très prudents. Voilà, donc faites gaffe effectivement si vous êtes sur la route, évidemment, et si vous êtes témoin d'un problème, n'hésitez pas à nous le signaler comme beaucoup d'auditeurs le font, là au 3044 par SMS ou alors sur le mail, c'est gratuit du coup, mikl@funradio.be. Faites jouer la fun solidarité. Dans un instant, la ligne anti-relou sur Fun Radio, et puis on écoute maintenant Kerry Hilson tout de suite avec Nelly Lose Control sur Fun Radio. Bonne matinée. Il est 7h47. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. Fun Radio. Et c'est l'heure maintenant d'écouter les meilleurs messages qui ont été laissés sur la ligne anti-relou, le 0 473 86 00 13, numéro qui est là pour vous éviter justement de croiser des relous et de les avoir sur le dos pendant plusieurs heures, voire jours même. Retenez bien le numéro 0 473 86 00 13, avec une ligne anti-relou très très lourde ce matin. Écoutez le premier message. Ouais, salut Christine, comment dire, tu m'annonces là, hein. C'est bien d'allumer les gens au boulot, de me dire ouais, viens. Hein, mais là, je suis devant chez toi, tu as l'adresse que tu m'as donnée. Ça fait 2 heures que je sonne, puis je t'appelle, tu réponds pas, tu reçois la boîte à message. Bon, ben, tu n'es pas me soucier, tu me le dis, hein. Non mais ils sont taqués ce matin, un truc de dingue. Oh bah tu veux pas me sucer, tu me le dis, je me casse. Non mais sans déconner quoi, ils sont au taquet. 0 473 86 00 13, deuxième message. Ouais, Mélissa, c'est Chris. Bah écoute, tu m'as donné ton numéro quoi, au Fiesta l'autre fois là. Voilà, j'attends toujours que tu m'appelles, je voudrais lâcher ton minou quoi. Je suis un spécialiste de l'échappe de minou. Yes. Eh ben écoute, ça donne envie aux filles d'appeler ce genre de truc. Ah oui, alors s'il est spécialiste, je vais l'appeler. Hein. Eh ben oui, si votre chat ne sait plus faire sa toilette, contactez-le. Exactement, le spécialiste. Allez, dernier message pour Storcy en tout cas. Oui, Sandra, c'est Tony ici. T'avais dit que j'aime bien te reprendre la chanson. Tu vois, t'as un ami là, tu vois. Ben, je vais te le faire en beatbox. Tu vas voir, tu vas apprécier. Mesdames et messieurs, la nouvelle star. En fait, c'est pas du beatbox, c'est du beatbox. When the night has come, oh, when the night is for me, hey, darling, darling,

Oui et non, mais enfin non. C'est pas ce qu'on cherche dans le détail, on va dire. 8h sur Fun Radio, bon réveil tout le monde, j'espère que vous allez bien chez vous. Dans un instant, nous rembourserons vos factures au 6322 code facture avec le montant et l'objet de la facture. Bonne chance tout le monde. Et puis on va écouter le son de David Guetta également après l'info avec Julie. David Guetta et Usher, ce sera Without You. Ne bougez pas de là, on revient juste après ça. Mickaël, à la radio, Fun Radio. Et à 8h01 sur Fun Radio, c'est l'heure de passer à l'actu maintenant avec Julie. Bonjour à tous. Allez, allez, on va recommencer comme si de rien n'était. Hein. 8h01, l'info avec Julie. Bonjour à tous. Voilà. Oui, j'ai quand même encore un petit peu du mal. Hein. Entre 20 000 et 30 000 personnes sont attendues dans les rues de Liège aujourd'hui. Le Front commun syndical appelle à une mobilisation générale en soutien avec les travailleurs sidérurgistes d'ArcelorMittal. Le rassemblement débute dès 8h30 aux terrasses. Le cortège s'élancera à 10h dans les rues de la ville pour s'achever au kiosque du parc d'Avroy. De grosses perturbations sont à prévoir dans la région. Les transports en commun, les écoles, la collecte des déchets, bref, de nombreux secteurs seront perturbés ou tout simplement à l'arrêt. Les autres sites européens d'ArcelorMittal sont appelés à débrayer en solidarité. Politique, le Premier ministre Elio Di Rupo présentera aujourd'hui sa déclaration de politique générale devant les députés à la Chambre. Les temps sont à l'austérité, ça on le sait. Tout le monde doit donc faire des efforts. Dans ce contexte, le gouvernement veut montrer l'exemple. La déclaration de politique générale prévoit une réduction de 5% de la rémunération des ministres. 40 000 euros pourraient être ainsi économisés chaque mois. Et puis, c'est le chef du groupe PS à la Chambre, le liégeois Thierry Giette, qui va remplacer Elio Di Rupo à la tête du Parti Socialiste. Le calme est revenu hier soir, peu après 22h, dans le quartier Matongé à Bruxelles, après une manifestation anti-Kabila. Plus de 200 personnes ont été interpellées durant la journée. 3 voitures ainsi que de nombreux sacs poubelles ont été incendiés par les manifestants. En République démocratique du Congo, Joseph Kabila est toujours donné vainqueur. Les résultats devraient être connus dans 48 heures. L'agence de notation Standard & Poor's a placé sous surveillance négative la note du Fonds européen de stabilité financière. Conséquence de sa décision de placer sous surveillance les principaux pays de la zone euro. Et puis enfin en sport football, en Ligue des Champions, en dernière journée de phase de poule, Genk a sauvé son honneur et quitte la compétition sur un partage 1-1 avec le Bayer Leverkusen. Et puis Philippe Gilbert a été élu comme l'année dernière mérite sportif masculin de la Fédération Wallonie-Bruxelles de l'année. Et puis côté féminin, c'est la jeune judoka Charline Van Snick qui l'a emporté. Il est 8h03 sur Fun Radio, bienvenue si vous débarquez. Il y a la météo maintenant et je vous explique comment faire pour vous faire rembourser vos factures. Ça sera dans quelques minutes. Journée maussade et venteuse. La matinée s'écoulera sous la pluie et sous des précipitations à caractère hivernal sur les reliefs ardennais. L'après-midi, on parlera d'averses, rafales de vent, température de 4 à 10 degrés. Demain, pareil, toujours sous la pluie. Et le remboursement des factures, c'est dans 5 minutes que ça se passe. Je vous explique comment faire dans 30 secondes. Fun Radio. Fun Radio. David Guetta et Usher arrivent dans un instant sur Fun Radio, ce sera Without You. Et puis je vous le rappelle, il y a donc les factures qu'on vous rembourse tous les matins à 7h10, 8h10 et 9h10 sur Fun Radio. Si vous voulez qu'on appelle chez vous, comme tout à l'heure, on avait appelé pour rembourser l'abonnement de train par exemple à 7h10, eh bien vous pouvez faire pareil dès maintenant, 63 22, vous débutez votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Là il y a quoi, 91€ pour un Samsung Galaxy Mini, 105€ pour une facture de téléphone, 67€ pour une maison Playmobil. Qu'est-ce qu'il y a d'autre également? 56€ pour du diesel pour la voiture, bonne journée, etc., etc. Si vous voulez donc qu'on vous rembourse votre facture, 63 22 par SMS, vous débutez votre message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. C'est 1€ le message et on vous appelle peut-être en direct dans 4 minutes. Mais avant cela, l'info en plus, évidemment, Julie, quelle est l'info en plus? Alors, je vais vous lire une petite annonce, vous allez me dire si ça va vous choquer. C'est une petite annonce qu'on a retrouvée sur leboncoin.fr, un site de vente en ligne entre particuliers. Alors, de vendre de n'importe quoi surtout. Oui, de tout et n'importe quoi, oui, c'est oui, vrai. Tu peux vendre ce que tu veux, mais bon, parfois ça va un petit peu loin, hein, comme cette annonce-ci. À Auchel, dans le Pas-de-Calais, vend 4 enfants de type européen de 3 à 10 ans, autonomes, pucés et dociles, prix 250€ l'un, les 4 pour 950€, un acheté, un gratuit, prix à débattre, urgent, cause déménagement. Bah oui. Alors, évidemment, c'est... quand on déménage, on se débarrasse en général de sa famille. Évidemment, et heureusement, c'est une blague. C'est un jeune homme qui a posté cette annonce. Il l'a publié la nuit du 23 au 24 novembre, elle a choqué de nombreux internautes qui ont immédiatement prévenu la police. La police a vite compris qu'il ne s'agissait pas du tout d'un trafic d'enfants, mais plutôt d'une blague, d'un goût. Bonne vanne, hein. Ouais, une bonne vanne, oui, enfin ça, il faut voir un peu l'humour que tu as. Donc en tout cas, l'un d'internautes est aujourd'hui poursuivi pour atteinte à la vie privée envers les quatre enfants dont la photo est restée en ligne pendant 10 heures. Alors il explique que c'était pour délirer, qu'il avait mis en vente un motoculteur sur ce site-là, ça n'avait pas marché, donc il a passé une autre petite annonce juste pour faire une blague. Enfin, en même temps, c'est difficile de vendre un motoculteur, hein. Tu vois, c'est pas le truc que t'achètes tous les jours, quoi, tu vois. C'est quand même alors que des enfants. Non, mais des enfants non plus, non, mais évidemment, mais bon, ça reste quand même bizarre un motoculteur. Mais enfin bon. 8h06 sur Fun Radio, bon réveil, les factures, on vous les rembourse dans un instant. On enverra également des auditeurs aussi en vacances, puisqu'on leur filera des billets d'avion s'ils ont la bonne réponse à la devinette qui colle, que je vous rappellerai dans un instant. Le temps d'écouter maintenant, à 8h07 maintenant, David Guetta et Usher, c'est Without You sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. En direct sur Fun Radio, le remboursement des factures, ça se passe à 7h10, 8h10 et 9h10 pour vous faire rembourser vos factures. Je vous l'ai dit, je vous le rappelle, on rejouera à 9h10 cela dit, hein. 63-22 en débutant le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Dans un instant, Florida avec Good Feeling. Et puis on appelle maintenant quelqu'un qui s'est inscrit pour le remboursement de la facture. Allez, allez, c'est parti. S'il décroche, évidemment, et qu'il répond bien à la question, c'est gagné. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Alors, la question étant, qui paye les factures le matin? Si tu t'es inscrit, c'est dommage de ne pas répondre. Oh, c'est vraiment dommage, c'était pour rembourser du diesel. Oh, quel dommage. En plus, avec le prix du diesel aujourd'hui, c'était quand même un beau cadeau, hein. Je crois que c'était 50 ou 60 euros, je crois, de diesel. Ah oui, quand même, hein. Bah ouais, quand même. Veuillez laisser bon, un message après le signal sonore. Bah oui. Pour terminer, raccrochez ou appuyez sur le carré pour d'autres options. Merci de votre appel. Bah de rien. Allô, bonjour, c'est Mickaël, t'étais en direct sur Fun Radio, je t'appelais pour te rembourser ta facture. T'avais envoyé facture au 6322 en mettant, apparemment c'était un plein de diesel de 50 ou 60 euros, enfin quelque chose comme ça. Donc malheureusement tu n'as pas décroché, tu n'as donc pas pu répondre à la question qui paye les factures le matin. Et malheureusement on ne te remboursera donc pas cette facture, mais c'est pas grave, tu rejoues en tout cas quand tu le souhaites, il n'y a pas de problème. Et puis bah tous les autres, vous connaissez le principe, si ça ne décroche pas, eh bien on remet le couvert l'heure suivante, mais en ne sélectionnant que ceux qui se seront inscrits pendant cette heure-là, entre 8h10 et 9h10. Voilà, bonne chance tout le monde. 6322, code facture, avec le montant et l'objet de la facture. Vous pouvez y aller dès maintenant, on vous appelle à 9h10 pour peut-être vous rembourser votre facture. Dans un instant, c'est l'horoscope qui arrive. Et le son de Florida également avec Good Feeling. Ça arrive dans un instant sur Fun Radio, restez là. Mickaël, à la radio. C'est Homer Simpson sur Fun Radio. Alors comme ça, tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Eh ben essaye de me réveiller déjà, espèce de petit... Mickaël, à la radio. Fun Radio. L'horoscope. C'est l'horoscope sur Fun Radio, 7h15, 8h15, 9h15 avec Doudou. Tiens, Doudou, vous étiez malade hier, vous soignez quoi pour votre... Enfin, vous soignez comment avec... pour votre rhume, là hier? Ah, du rhum. Avec du rhum? Ah oui, quand même. Ah bah oui, c'est très efficace pour tuer l'ennemi, quoi. Ben. Ah oui, non, mais j'en doute pas, Doudou, hein, surtout le vôtre, évidemment. Il doit être puissant, lui. Hein. Ah oui, le problème, c'est à la fin de la journée. Je me rappelle plus toujours très bien de... Oui. Ben oui, elle a fini. Mais c'est comme tous les bons médicaments, il y a des effets secondaires, hein, Dodo. Ah oui, voilà, ça doit être ça. Ça doit être ça. Bon, allez, les béliers maintenant pour démarrer. Alors, les béliers, repoussez de préférence vos engagements et rendez-vous à plus tard afin d'avoir du succès. Ben, espérons-le, les taureaux. Vous avez retrouvé l'harmonie longtemps espérée, vous êtes de nouveau dans votre élément. Les gémeaux. Réfléchissez à la solution de problème et ensuite essayez-les. Les cancers, comme je dis, une bonne nouvelle peut-être. Oh là là, je sais pas, parce que quelque chose est en train de se préparer, ça va changer radicalement votre vie. Voilà. Quoi? Mais c'est positif ou c'est négatif? Ça, je sais pas, les astres ils disent pas, ils disent ça va changer. Bon, super, très bien, bah, suspense. Trop bien ce marabout. Ah wow. Oui, c'est ça, les lions. J'ai déjà dit, je fais l'horoscope, je suis pas voyant. Bon, oh là là, bon, les lions. Mettez de l'ordre dans vos idées, faites une pause, mais oui, reposez-vous, couchez-vous. Ah, évidemment, les vierges. Écoutez vos amis quand ils vous mettent en garde contre de fausses idées. Les balances. Savourez sans remords votre attirance sur les autres. C'est une période formidable. les scorpions. En ce moment, il y a des choses plus importantes que les soucis financiers, car ils ne sont pas justifiés du tout, du tout, du tout. Les sagittaires. Soyez plus courageux dans la prise de vos décisions. Les capricornes. De temps en temps, vous devriez vous accorder un peu de repos. Les verseaux. Ne pensez plus au travail. Aujourd'hui, c'est une journée sans fait particulier. Et les poissons, pour terminer. Même si vous avez, encore réglé beaucoup de choses, pensez à souffler un peu pour avoir assez de force pour continuer. Très bien, merci Doudou, à tout à l'heure dans une heure. Mais oui, d'accord, à tout à l'heure. Bon, et dans un instant, bah, j'imagine, dans un instant, il y aura la déclaration express avec notre ami Love et puis la réponse aussi à la devinette qui colle pour repartir avec vos billets d'avion ce matin. Il peut être rond, carré et bien moulé, servi au marché, il est découpé. Qui est-il? Il pue, il surpue, pas tous, mais en général, d'après les gens qui adorent ça, plus il pue, plus il est bon. Voilà. Mais oui. Voilà, il peut être bleu également, hein, ou moisi. Ou vert aussi, c'est ça. Et ou fripé, hein. Comme s'il avait passé ça changeait dans un bain. 63-22, si vous avez la bonne réponse, c'est par SMS, c'est 1€ le message. Et vous mettez la réponse, ou alors pour le Grand-Duché du Luxembourg, le 621-783-605. Bonne chance pour vos réponses, et on écoute maintenant. Oh, un petit souvenir, tiens. Tranquille, Ja Rule et Ashanti sur Fun Radio. Always on time, il est 8h18, bonne matinée avec nous. Il y aura le son du Colonel Rayel tout à l'heure avec Mr. You. Il y aura également le son de DJ Antoine avec Tom Dice. Les infos de Julie vont pas tarder à débarquer également. Et nous allons accueillir maintenant Luciano qui est avec nous. Allô Luciano, comment ça va pour la déclaration express? Très bien. En pleine forme, Luciano? Oui. Bon, très bien. Alors, Luciano, déclaration express un peu particulière, puisque d'habitude on appelle le mec ou la fille en plus, mais là apparemment tu es déjà avec ta copine dans la voiture, c'est ça? Tout à fait. D'accord, ok. Mais quoi, vous allez bosser ensemble ou tu vas la déposer parce que t'as pas confiance en elle, t'as peur qu'elle aille à des endroits bizarres? Non, on fait l'amour dans la voiture, c'est tout. Ah oui, non, mais ça y est, après. Vous travaillez ensemble? Non. D'accord, mais t'es quand même avec elle dans la voiture? Oui. D'accord, pas de problème. Bah écoute, bon, bah déclaration express pour. C'est comment elle s'appelle, elle? Audrey, d'accord. Bon, écoute, passe-la nous alors, et puis nous on va démarrer directement. Hein. Voilà. C'est quand ils sont allés à l'administration, en fait, ils étaient tellement bourrés, ils ont oublié le A. Pourquoi? Non, le E. Voilà. Le E, pardon. Ah, ouais, d'accord, ok, il me semblait bien. Je me dis, tiens, pourquoi c'est le E? Bon, Audrey? Voilà, mon cœur. Oh. Oui, allô? Oh. Audrey, bonjour, comment ça va? Ça va. Bon, écoute, il avait quelque chose à te dire justement. Écoute bien, attention. Non, c'est beau. C'est une belle chanson. C'est beau. Ça doit bien faire 7 ans que tu vis avec moi et que toutes les nuits je m'occupe de toi. Micro. T'étais déjà maman quand je t'ai rencontrée. Tant mieux parce que j'aime pas les coincés. T'es de la même région, je te connaissais de vue. Mais ce que j'avais repéré, c'était ton cul. Maintenant qu'on dort ensemble, je dois bien t'avouer que ça m'énerve de t'entendre ronfler. Tu n'as jamais voulu que je m'approche de toi quand t'étais retourné. Parce que tu me croyais pas et t'étais angoissé que je vienne à essayer de te sodo. Non, ça va, c'est bon. Lob, merde, quand même, sans déconner quand même. Oui, c'est ça qui parle. Ouais, merci, top. Bon, Audrey, alors qu'est-ce que tu as pensé de cette petite déclaration express après cette année de vie commune? Le début était beaucoup coupé, mais enfin la fin, à mon avis, je voulais m'apporter le début. Oui, non, mais effectivement, mais tu aurais bien fait, cela dit. Hein. Abstinence, voilà, t'as qu'à lui dire ça, tiens, pour te venger. Voilà, tu vas voir, ça va lui faire les pieds à Luciano, là, je suis sûr. Bon, et ben Luciano et Audrey, passez une bonne journée tous les deux. Merci beaucoup, c'est gentil. Et ben je t'en prie, puis tu reviens quand tu veux, et vous revenez quand vous voulez tous les deux. À bientôt. Merci. Salut à vous. Et si vous aussi vous voulez faire la déclaration express, n'hésitez pas, surtout vous êtes les bienvenus. Vous nous envoyez un petit message maintenant si vous le souhaitez au 3044. Débutez le message par déclaration. Puis on va s'écouter le son de Mr. You, je vous l'avais promis. Voilà, ça je l'avais déjà dit, hein. C'était Mets-toi à l'aise maintenant sur Fun Radio. Bon réveil avec Fun Radio. Mr. You et le Colonel Rayel sur Fun Radio, c'était Mets-toi à l'aise. L'info arrive dans un instant et nous avons d'abord Julien qui est avec nous. Bonjour Julien, comment vas-tu? Ça va et vous? Ben, ça va bien, Julien, 22 ans de Verviers, sois le bienvenu. Tu as donc la bonne réponse, du moins je l'espère pour toi, à la devinette qui colle. Il peut être rond, carré, bien moulé, servi au marché, il est découpé. Qui est-il? Du fromage. Bah oui, c'est celui qui pue, évidemment. T'aimes bien le fromage, toi? Ouais. Ouais, bah écoute, très bien. Bah, grâce au fromage, en tout cas, tu repars avec tes billets d'avion. Tu vas pouvoir partir en vacances pendant l'hiver et tout. Ça peut être un bon plan, ça, quand même. Ah bah super, eh ben voilà Julien, reste bien au standard, on va prendre tes coordonnées. Et puis mais tu reviens quand tu veux Julien, d'accord? Ok, pas de problème. La bonne journée à Verviers, à bientôt. Oui, au revoir. Salut, salut, ciao à toi, dans un instant sur Fun Radio. Attends, c'est notre invité mystère dans un instant. Eh oui, ça vous permettra de repartir aussi avec vos billets d'avion. Donc restez bien branchés sur Fun Radio. Il est 8h28, dans un instant DJ Antoine avec Sunlight. Ne bougez pas, Fun, Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Il est 8h31 sur Fun Radio, dans un instant l'invité mystère qui vous permettra de repartir avec des billets d'avion encore une fois. Et à 8h31, c'est l'heure de passer à l'actu maintenant avec Julie. Bonjour à tous, entre 20 000 et 30 000 personnes sont attendues dans les rues de Liège aujourd'hui. Le Front commun syndical appelle à une mobilisation générale en soutien avec les sidérurgistes d'ArcelorMittal. Le rassemblement débute en ce moment aux terrasses. Le cortège s'élancera à 10h dans les rues de la ville pour s'achever au kiosque du parc d'Avroy. De grosses perturbations sont à prévoir dans la région. Les transports en commun, des écoles, la collecte des déchets, bref, de nombreux secteurs sont perturbés ou tout simplement à l'arrêt. Il est recommandé aux automobilistes d'éviter le centre-ville. Les autres sites européens d'ArcelorMittal sont appelés eux aussi à débrayer en solidarité. Politique, le Premier ministre Élodie Rousseau présentera aujourd'hui sa déclaration de politique générale devant les députés à la Chambre. Les temps sont à l'austérité. Ça on le sait, et tout le monde doit faire des efforts. Dans ce contexte, le gouvernement veut montrer l'exemple. La déclaration de politique générale prévoit une réduction de 5% de la rémunération des ministres. L'État économiserait ainsi chaque mois environ 42 500 euros nets, soit 510 000 euros nets par an. Et puis, c'est le chef du groupe PS à la Chambre, le liégeois Thierry Giette, qui va remplacer Élodie Rousseau à la tête du Parti Socialiste. Un ménage moins doit aujourd'hui disposer de 2634,28 euros par mois pour faire face à toutes ses dépenses, selon les dernières estimations du CRIOC. L'augmentation des prix de certains fruits et légumes, des produits alimentaires comme le sucre et non alimentaires comme le gasoil de chauffage caractérise les augmentations de ce mois de novembre. Le calme est revenu hier soir, peu après 22h, dans le quartier Matongé à Bruxelles, après une manifestation anti-Kabila. Plus de 200 personnes ont été interpellées durant la journée. Trois voitures ainsi que de nombreux sacs poubelles ont été incendiés par les manifestants. En République démocratique du Congo, Joseph Kabila est toujours donné vainqueur. Les résultats devraient être connus dans 48 heures. Et puis l'agence de notation Standard & Poor's a placé sous surveillance négative la note du Fonds européen de stabilité financière. Conséquence de sa décision de placer sous surveillance les principaux pays de la zone euro, le Fonds européen risque de perdre sa note triple A d'un ou deux crans. Et puis enfin en football, en Ligue des Champions, en dernière journée de phase de poule, Genk a sauvé son honneur et quitte la compétition sur un partage 1-1 avec le Bayer Leverkusen. Il est 8h33 sur Fun Radio et nous allons maintenant passer à la météo. La journée sera maussade et venteuse. La matinée s'écoule sous la pluie et sous les précipitations, un caractère hivernal sur les reliefs ardennais. Cet après-midi, ce sont des averses, donc pas mieux. Rafale de vent, température de 4 à 10 degrés, fait un petit peu plus doux, c'est la bonne nouvelle. Demain, pareil, toujours sous la pluie. Eh bah, quelle bonne nouvelle, tiens. DJ Antoine et Dom Dai, ça va arriver dans un instant. Il y aura également notre invité mystère. Mais avant cela, à 8h34, il est l'heure de faire un tour du côté, évidemment, de l'info en plus avec Julie toujours. Alors, quasiment chaque mois, il y a des nouvelles télé-réalités qui débarquent sur les chaînes de télévision. Cette fois-ci, je vais vous parler de Starving Secrets. C'est un nouveau programme de télé-réalité diffusé sur la chaîne américaine Lifetime. Et en fait, Lifetime. Et en fait, au cours de chaque épisode, Tracy Gold, c'est une comédienne connue pour son rôle dans Quoi Neuf Docteur. Ouais. Peut-être que nous, ça ne nous dit pas grand-chose, mais bon, en tout cas, elle devient coach. Je connais Quoi Neuf Docteur, mais je me souviens plus de sa tête à elle. Voilà, bon. C'est ça. Tracy Gold, ça ne nous dit pas grand-chose, ça c'est sûr. Tracy Gold. Elle devient le coach de deux jeunes filles qui souffrent de troubles alimentaires, qui souffrent d'anorexie. Et l'actrice sait de quoi elle parle, puisqu'elle s'est battue longtemps elle-même contre l'anorexie durant de nombreuses dernières années. Alors le show prend le parti de tout montrer. Donc on va voir vraiment les côtés les plus horribles de l'anorexie. Donc par exemple, on suit Mélissa qui se fait vomir après une crise de boulimie. On suit une autre jeune fille qui marche pendant 6 heures pour éliminer 1500 calories. Enfin bon, bref, voilà. Si ça peut aider quelques jeunes filles, pourquoi pas? Même si ça va être, à mon avis, très très voyeur, comme d'habitude. En tout cas, c'est pas le genre de télé-réalité que tu vas regarder pour passer un peu de bon temps, quoi. Ça, certainement pas. Ça va être un peu, à mon avis, ce sera pas vraiment le délire. Non. Enfin, ça peut être bien. C'est vrai que ça peut en sauver au moins un. Bah, si, au moins si ça une. Peut au moins en sauver un ou une, parce que les hommes sont aussi touchés, ouais, à ouais. moindre mesure, mais eux aussi. Donc, pourquoi pas? Regarde Toff, hein. À Toff, tout le contraire. Ah ouais, ouais. Toff, bah, c'est la boulimie, lui. Non, même pas. Faut manger, manger, manger et manger. Non, je me nourris, c'est tout. Ouais. Bon, enfin, demain, on sera à la salle de sport, hein, Power Gym, donc 69 rue de Nimi à Mons, entre 6h et 9h30. Donc, venez, t'as à faire du sport. Mais oui, on va pédaler, exactement. Pédaler. Donc, on vous attend nombreux, car il y a un gros défi aussi. On va recevoir une Mini Cooper à prêter. Donc, il faut battre le record de 26 personnes à l'intérieur, donc être 27. Donc, si vous voulez venir battre le record avec nous, vous êtes les bienvenus dès 6h du mat, donc au 69 rue de Nimi à Mons. Voilà, on vous attend nombreux, évidemment. Dans un instant, c'est notre ami Julien de Rien qui va débarquer, comme chaque matin, évidemment, aux alentours de 8h40. Et en attendant, on écoute l'excellent son de DJ Antoine et Tom Dice sur Fun Radio. C'est Sunlight. Bon réveil, il est 8h36, c'est le 7 décembre ce matin. C'est Fun Radio et le son de DJ Antoine à l'instant avec Sunlight. Il est 8h38 et vous l'avez demandé nombreux également. Dans un instant, on va vous remettre un petit coup, évidemment, la nouvelle chanson qu'on avait prévue pour le gouvernement, évidemment. Et nous avons aussi d'abord notre invité mystère. Et évidemment, l'invité mystère de ce matin, c'est un invité mystère qui est relativement connu, qui a un peu de mal effectivement à parler le français, mais enfin, c'est pas grave. Si vous devinez qui est l'invité mystère, il y a des billets d'avion à gagner. Si vous voulez gagner justement ces billets d'avion, 63-22 avec la réponse: quel est l'invité mystère? Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, eh oui. avec si vous avez une idée, hein. gros son dans ta soute, n'oublie pas. En tout cas, le petit Helmut, il est très calme par rapport à avant. Hein. Heureusement, j'ai parlé juste au moment où il a donné son nom. Voilà, si vous avez une idée, hein, j'espère que ça ne vous énerve pas trop. 63-22 par SMS, donc c'est 1€ le message. Il y a des billets d'avion qui sont à gagner. Bonne chance, tout le monde. De Lady Gaga. Voilà, 63-22, bonne chance. Allez, c'est parti maintenant, c'est Julien Derien sur Fun Radio. Et l'histoire aujourd'hui est assez glauque. Écoutez bien, il y a une société de pompes funèbres qui a refusé de rendre le corps d'un défunt à sa famille parce que celle-ci n'avait pas payé la facture. Je jure, c'est incroyable, c'est arrivé. Oh. Julien Derien, notre reporter sans frontières, vous êtes rendu sur place. Évidemment, il adore ce genre de sujet pour essayer de comprendre comment ils ont pu en arriver là, c'est incroyable. Oui, mais c'est une info avec beaucoup de coïncidences, hein, quand même, Evan. Mmh. Alors, premièrement, il s'agit d'une famille qui s'appelle Brasseur. Okay. Voilà, la famille Brasseur en Belgique. C'est comme si une famille française s'appelle les Casse-couilles. Ah. Et la deuxième coïncidence dans cette affaire, c'est le nom du journal, non? J'ai lu l'info sur le cadavre dans le journal L'Avenir. Et quelle est la filiale exactement de ce journal? La radio des morts nostalgie? Il va y avoir un complot avec ça, non? Oui, tout à fait. Et puis vous avez remarqué, Evan, que je ne suis pas tombé dans la facilité. Comment ça? Je n'ai pas dit que les Brasseurs s'y connaissaient en mise en bière. Ouais, enfin, en même temps, maintenant vous venez de le dire, hein, c'est pareil. Oh, ouais, c'est quand même trop tentant. Enfin, ça fait beaucoup de bruit pour rien. Hein. Bah, quand même, écoutez, Julien, les pompes funèbres qui refusaient de rendre le corps à la famille, heureusement que ça fait du bruit. Oui, mais bah on s'en fout, hein. De toute façon, il servait plus à rien, le bordel. Non, comment c'est pas, Julien? C'est vraiment un truc sérieux, on essaie de comprendre pour comment ça a pu se passer. Bah moi, je trouve que c'est un manque de respect, voilà. Le cadavre, il dit plus rien, hein. On aurait pu lui demander son avis. C'est quand même lui, hein, le principal intéressé. Et pendant ce temps-là, au-dessus de lui, il se battait. C'est mon mort, non, c'est à moi. Bah, voilà. Bah, pour une fois, ils auraient pu tirer dessus chacun un bout et tout le monde était content. Bah, bien sûr, évidemment, c'est une idée comme une autre. C'est le genre de choses qu'il faut pas laisser traîner pour le bien de tout le monde. Faut que ce soit vite réglé, parce que sinon, après, des problèmes de... Voilà, de... Pourquoi le cadavre, il avait un train à prendre? Non, mais... Pff, oh putain, il m'énerve. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui. Allez, merci Julien, je me casse. De rien. Ah, bah, il avait l'air énervé, effectivement, non, Evan. Bon, Evan, que vous retrouvez évidemment ce soir, 17h-20h, ce sera dans la tribu évidemment avec notamment Noémie, puis pareil aussi avec Monsieur Milan et Julien Dorien qui est là et qui est toujours au taquet évidemment de tout ce qui est possible de faire au niveau des interviews. Qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, l'invité mystère, on proposait Elio Di Rupo. Ah non, pas du tout. Hein. Non, vraiment pas. Ce n'est pas Saint-Nicolas non plus, ce n'est pas Lagerfeld, ce n'est pas Helmut Lotti, ce n'est pas Michel Dardenne. Michel Dardenne, voyons. Non, non, attends, pas du tout. Pas. C'est possible. Ouais, mais quand même, écoute. Bye. Voilà, si vous avez une idée. Hein. Quand tu descendras du ciel avec du gros son dans ta soute. Voilà, si vous avez une idée, n'hésitez pas. 63 22, c'est 1€ le message. Il y a des billets d'avion qui sont à gagner et. Un indice ? Ça m'énerve. Eh oui, ça m'énerve. Et dans un instant sur Fun Radio, c'est Shana Paul qui arrive avec Alexa Jordan. Ce sera Got to Love You. Il est 8h42 sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Salut Mickaël, c'est Alizée Poulicek. Je te verrais bien en Miss Wallonie, mais faudrait quand même refaire les dents, faudrait refaire le sourire, faudrait refaire les abdos, faudrait refaire les pectos. En fait, faudrait tout refaire. Mickaël. Fun. À la radio. C'est Fun Radio, c'est 8h47, c'est l'heure de l'infotrafic maintenant et Dieu sait qu'il va être long. Eh bien soyez prudents, il y a une grosse branche d'arbre qui déborde sur la berne centrale sur le 411 Luxembourg-Namur-Bruxelles à hauteur de Lierneux. Bande de gauche obstruée au kilomètre 40.3 et puis accident sur la N25 à hauteur de Cours-Saint-Etienne en direction de Couroy-le-Grand. Bande de gauche obstruée par 4 véhicules au kilomètre 27.5. Accident sur l'E17 Gand en direction de Courtrai à hauteur de Courtrai-Ouest en direction de Lille. La chaussée est fermée, plusieurs véhicules impliqués au kilomètre 10.1. C'est inondé sur la N59 à hauteur de Chapelle-les-Herlaimont en direction de Senef, bande de droite obstruée. Au kilomètre 9.6, une grosse flaque d'eau en première bande. Très bien. Ah, bah dis donc, je pensais que t'avais pas fini. Bah, j'en ai encore plein, mais j'ai pas le temps. Ah, oui, d'accord. Okay, donc, bonne chance à tous. Bon, et bah, ouais, bonne chance. Si vous êtes témoin d'un problème sur les routes, hein, n'hésitez pas à nous transmettre l'info, la Fun Solidarité au 3044 par SMS ou alors tout simplement sur mon mail mikl@funradio.be. C'est parti maintenant pour la ligne anti-relou. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Fun Radio. Voilà, c'est l'heure de la ligne anti-relou sur Fun Radio. Avant d'écouter Sean Paul et She Doesn't Mind. Ah, du lourd solo aujourd'hui dans la ligne anti-relou. Du très très lourd. On va écouter maintenant le premier message laissé sur le 0-473-86-00-13. Grâce à vous, évidemment. Ligne anti-relou, on écoute maintenant le premier message. Oui, ma biche, biche, ma biche, écarte tes cuisses pour que je rentre ma saucisse. Allez, au QR, je t'attends. C'est Rocco. Vanessa, tu vas pas me la faire à l'envers aujourd'hui, quand même. Tiens-moi au courant, c'est Tarek, c'est Rocco. Ok ? Allez, encore une fois. Biche, ma biche, écarte tes cuisses pour que je rentre ma saucisse. Allez, je t'attends, ma biche. Ciao. Ouais, c'est ça, ma biche. Ouais. Mais quel relou, lui. Mais je comprends qu'il ait donné ce numéro de téléphone-là. Hein. T'imagines s'il lui avait déjà fait à l'envers ses jours, le jour où il l'a vu. Hey, biche, oh ma biche. Oh là là là là là là, qu'est-ce que c'est ringard. Bon, les messages suivants laissés sur la ligne anti-relou. Ouais, salut Christine. Comment dire ? Tu m'as laissé là, hein ? C'est bien d'allumer les gens au boulot, de me dire, ouais, viens. Hein, mais là, je suis devant chez toi, tu as l'adresse que tu m'as donnée. Ça fait 2 heures que je sonne, puis je t'appelle, tu réponds pas. Tu reçois la boîte à message. Bon, ben, tu veux pas me soucier, tu me le dis, hein. Non mais c'est une blague. Mais qu'est-ce qu'ils ont là? Soit ils sont dans la chanson, soit ils sont dans le cul ce matin. Ça, ils... ça toffe, ça le fait rire. Ah ouais, là, ça fait marrer ça. De rire. Bah, tu m'étonnes. Ouais. Ah ouais, moi les saucisses. Je me cacher sous la table, ouais. Mais lui il est mort. moi dès qu'il y a de la saucisse, moi ça me fait rire. Tu m'étonnes. Bon, allez, dernier message pour ce matin, laissé sur la ligne anti-relou. Ouais, Mélissa, c'est Chris. Bah écoute, tu m'as donné ton numéro quoi, au Fiesta l'autre fois là. Voilà, j'attends toujours que tu m'appelles. Je voudrais lâcher ton minou, quoi. Je suis un spécialiste de l'échappe de minou. Bien sûr, on parlait des chats, bien entendu. Ça allez. Tombe sous le sens. Manque d'un peu de purée, on sera bien. Ça ira, merci. Bon, retour de la ligne anti-relou dès demain, évidemment, en pleine forme, à partir de 6h du matin. On sera d'ailleurs nous-mêmes en direct de Mons. C'est 69 rue de Némi à la Power Gym. C'est la salle de sport. On sera en direct pour faire un peu de sport demain matin. Tiens, ça nous fera pas mais de mal. Oui, on sera plein de power. Mais ouais, gym. Et en plus de ça, on sera aussi en mode défi. C'est pour ça que je ne me suis pas arrêté. En mode défi avec une Mini Cooper qu'on recevra donc pour essayer. essayer de rentrer à plus de 26 à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il faudra être 27 pour battre le record. On vous attend demain matin, 69 rue de Nimy à Mons, nombreux évidemment. Et puis côté musique maintenant, avant d'appeler encore des gens pour vérifier s'ils pensent souvent ou pas au sexe, hein, c'est une étude sur laquelle on est tombé avec Toff. On écoute Sean Paul maintenant, She Doesn't Mind sur Fun Radio. Il est 8h51, bon réveil. Et encore des bouchons, on nous signale sur la E411 des bouchons à partir de Rosières en direction de Bruxelles. Je sais pas ce qui se passe, mais si vous avez des infos, dites-le nous. Bisous et bonne journée, je vous adore, c'est Déborah. On a parlé tout à l'heure, il y avait un camion qui était en feu, mais je pense que la situation se rétablit tout doucement et c'est les embouteillages, à mon avis, à peu près normal. Voilà, bah disons normaux. Que le problème, si tu veux, c'est que comme t'as les embouteillages normaux plus l'accident qu'il y a eu tout à l'heure, ouais, je pense que c'est. Faut le temps que ça se voilà. Mette en place. Bah, bon courage, Déborah, et gros bisous à toi. Bon, alors, notre invité mystère, on va le repasser dans un instant, mais avant cela, donc on s'est toujours pas combien de fois les gens pensent au sexe, hein. Personne nous a répondu ce matin. Non, c'est ça qui est dommage, parce que c'est grâce à cette grande étude que j'ai trouvée, donc on. Normalement, ils devraient, les mecs, plus ou moins 18-19 fois et les filles, plus ou moins 10 fois. Voilà, ils pensaient en tout cas, hein, mais bon, t'as des doutes. Bah voilà, moi j'ai des doutes un peu et je voudrais vérifier qu'en Belgique, bah c'est pas une exception quoi. D'accord, bon, on sait jamais que ce soit plus quoi. Bah voilà, et puis on pourrait peut-être y penser ensemble si ouais. Tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est ça. Bon, on avait appelé à Courcelles tout à l'heure, ça s'est mal passé, hein, puisque le mec a dit appelle encore une fois, tu verras. On l'a appelé et puis rien. Ouais, on a rien vu, j'étais très déçu. Et donc là, on va aller à Herpan, c'est bien? Bah je sais pas. Bah écoute, allons-y, on va tester. On va essayer. Allez, c'est parti, direction Herpan maintenant. C'est une ville qui mord. Herpan, c'est une ville qui mord. Ah oui, d'accord, ok, merci. Ah oh, mon dieu, mais noble. C'est très dur. Oui, cache-toi sur la Allô. Oui, bonjour madame. Bonjour. Voilà, en fait, je vous appelle suite à une petite étude américaine qui dit que les femmes penseraient environ 10 fois au sexe par jour. Oh, qu'est-ce que j'en sais? Vous venez en nier avec ça les gens au matin. Attendez, ça se fait pas, quoi. Voilà, et donc je voulais savoir combien de fois vous y pensiez, vous, au sexe? Bah, ça vous regarde. Bah oui, sinon je vous appellerai pas. Ah bah non. Bah si. Mais à entendre votre sourire, vous êtes une petite cochonne qui y pense souvent. Bah yo, ça va aller. Pas à moi. Ah bah si, hein. Bon, on va la rappeler encore un petit coup pour voir, mais je pense qu'on en tirera rien, malheureusement. Mais enfin bon, on va voir. C'est très dommage. Ouais, bah je me doute. Allez, c'est parti, on y retourne. Oui, excusez-moi, on a été coupé. Oui, bonjour monsieur. Ah, ça va être moins drôle. J'étais avec votre femme et on a été coupé. Oui. Voilà. Non, parce que j'appelais, parce que c'est à cause d'une étude américaine, en fait, qui dit que les femmes penseraient à peu près 10 fois au sexe par jour et les hommes plutôt 18-19 fois. Et je voulais savoir chez vous comment ça se passait. Vous pensez que c'est une heure pour emmerder les gens? Bah, je vous emmerde pas, monsieur. Je vous demande juste combien de fois vous pensez au sexe par jour. Et pensez déjà à votre bite personnellement et foutez la paix aux gens, merci. Et bah voilà, comme ça le mérite d'être clair, tiens. Voilà, pensez déjà à votre bite. Et après, vous verrez jusqu'à suivre les gens. Oui, c'était bien envoyé. Oui, c'est mis à ton niveau, hein, Toff. Bah là, il a bien raison, il a bien eu raison surtout. Bon, et bah c'est pas grave, on n'aura pas de réponse aujourd'hui. Bah je suis assez déçu. Oui, je suis assez déçu également. Enfin, tant pis. Bon, 8h56 sur Fun Radio, je vous remets notre invité mystère. Papa Noël. Eh oui. Quand tu descendras. Ce n'est pas David Guetta. Si, moi j'avais bien reconnu le beat derrière. On proposait Stromae ou Mark Herman également. Ah non. Stella non plus. Le petit Helm. Oui, mais voilà. Et donc si vous avez la bonne réponse, il y a des billets d'avion à gagner. 63-22, vous débutez le message avec la réponse, tout simplement. Petit indice, donc ça m'énerve. Il a fait ce carton à l'époque. Voilà, si vous avez la bonne réponse, 63-22, bonne réponse, allez-y. Bonne chance. Et pour nos amis luxembourgeois, vous pouvez envoyer aussi un SMS au 621-783-605. Bonne chance, tout le monde. Dans un instant, c'est l'info qui arrive. Et puis on va s'écouter une petite balade. Tiens, un son qui fait très 80s, vachement sympa le matin au réveil. C'est Beyoncé, Love on Top. Qu'est-ce qu'il est bon ce morceau, le son de Beyoncé à l'instant, Love on Top sur Fun Radio. Tiens, pour la réponse à notre invité mystère, hein, ce n'est malheureusement pas Garcimore, ce n'est pas Philippe Catherine non plus. Hein. Désolé. Hein. Allez, cherche encore un petit peu, il y en a beaucoup qui ont trouvé, on tirera au sort d'ici quelques instants. Bonne chance, dans un instant on va vous rembourser vos factures également. Donc restez bien sur Fun Radio, on va écouter aussi le son de The Wanted. Avec Glad You Came. Et je vous explique comment faire pour vous faire rembourser vos factures également. Juste après ceci sur Fun Radio. Ne bougez pas, Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. 9h01 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde. C'est l'heure maintenant de faire un tour du côté de l'actu avec Julie. Bonjour à tous, entre 20 000 et 30 000 personnes sont attendues dans les rues de Liège. Aujourd'hui, le Front commun syndical appelle à une mobilisation générale en soutien aux travailleurs d'ArcelorMittal. Le rassemblement a commencé aux terrasses. Le cortège s'élancera à 10h dans les rues de la ville pour s'achever au kiosque du parc d'Avroy. De grosses perturbations sont à prévoir dans la région. Les transports en commun, les écoles, la collecte des déchets. Bref, de nombreux secteurs seront perturbés ou tout simplement à l'arrêt. Il est recommandé aux automobilistes d'éviter le centre-ville. Les autres sites européens d'ArcelorMittal sont appelés à débrayer en solidarité. Politique, le Premier ministre Elio Di Rupo présentera aujourd'hui sa déclaration de politique générale devant les députés à la Chambre. Les temps sont à l'austérité, ça on le sait, et tout le monde doit faire des efforts. Dans ce contexte, le gouvernement veut montrer l'exemple. La déclaration de politique générale prévoit ainsi une réduction de 5% de la rémunération des ministres. L'État économiserait donc chaque mois environ 42 500 euros nets, soit 510 000 euros nets par an. Et puis c'est le chef du groupe PS à la Chambre, le Liégeois Thierry Giette, qui va remplacer Elio Di Rupo à la tête du Parti Socialiste. Un ménage moyen doit aujourd'hui disposer de 2 634 euros par mois pour faire face à toutes ces dépenses. Selon les dernières estimations du CRIOC, l'augmentation des prix de certains fruits et légumes, de produits alimentaires comme le sucre ou de non alimentaires comme le gasoil de chauffage caractérise cette augmentation. Le calme est revenu hier soir, peu après 22h dans le quartier Matonga à Bruxelles, après une manifestation anti-Kabila. Plus de 200 personnes ont été interpellées durant la journée. 3 voitures ainsi que de nombreux sacs poubelles ont été incendiés par les manifestants. En République démocratique du Congo, Joseph Kabila est toujours donné vainqueur. Les résultats devraient être connus dans 48 heures. Enfin, en sport, football, Ligue des Champions, en dernière journée de phase de poule, Genk a sauvé l'honneur et quitte la compétition sur un partage 1-1 avec le Bayer Leverkusen. Et puis Philippe Gilbert a été élu comme l'année dernière mérite sportif masculin de la Fédération Wallonie-Bruxelles de l'année. Côté féminin, c'est la jeune judoka Charline Van Snick qui l'a emporté. 9h03 sur Fun Radio, c'est l'heure maintenant de faire un tour du côté de la météo. Ben, j'ose pas trop en parler hein, parce que oui, c'est quand même journée maussade et venteuse. Donc la matinée qui s'écoule sous la pluie avec des précipitations à caractère hivernal sur les reliefs ardennais. Cet après-midi, on parlera plutôt d'averse. Des rafales de vent, température de 4 à 10 degrés. Demain, pareil, toujours sous la pluie. Ouais, ben, génial. En même temps, c'est l'hiver. Bah, c'est un peu normal, c'est l'hiver. Mais avec c'est l'hiver. Grand plaisir. Bon, 9h04 sur Fun Radio. Dans un instant, je vous explique comment faire pour vous faire rembourser vos factures, sachant que ce n'est pas tombé à 8h10. On ne sélectionne que ceux qui se sont inscrits entre 8h10 et qui vont s'inscrire encore jusqu'à 9h10. Donc, je vous explique dans un instant comment ça se passe. Fun Radio. Fun Radio. Et le remboursement des factures, c'est dans 4 minutes que ça se passe. 63-22, vous débutez votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Et puis bah, nous, on vous appelle dans quelques minutes, dans 4 minutes pour être précis, donc pour vous rembourser justement votre facture. Comme 67,47€ pour de l'eau, bonjour à l'équipe, salut à toi, 99€ pour un GSM, 56,02€ pour la voiture. Qu'est-ce qu'il y a également ? 99€ pour un GSM encore, 20€ pour une recharge téléphone. Et puis bah, plein d'autres messages, hein. Donc 63-22, débuter le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. On vous appelle dans 4 minutes. Bonne chance. Le Grand-Duché de Luxembourg peut participer aussi en envoyant facture au 621 783 605 avec le montant et l'objet également. Quelle est l'info en plus avant d'écouter de The Wanted ? Eh bien, il y a une petite annonce qui a un petit peu choqué les internautes sur le site internet français leboncoin.fr. C'est un site de vente en ligne entre particuliers. Eh bien, il y a eu cette annonce qui a été postée. Auchel Pas-de-Calais vend 4 enfants de type européen de 3 à 10 ans, autonomes, pucés et dociles, prix 250€ l'un, les 4 pour 950€, un acheté, un gratuit, prix à débattre, urgent, cause déménagement. Alors en fait, c'est un jeune homme qui a voulu pourrir, vendre les enfants de sa belle-mère et de sa petite amie dans la rubrique animaux. Il a publié cette petite annonce la nuit du 23 au 24 novembre. Évidemment, ça a choqué de nombreux internautes qui ont immédiatement prévenu la police. Bah bien sûr. La police qui a vite compris que il ne s'agissait pas d'un trafic d'enfants, mais simplement d'une blague un peu de mauvais goût. Et donc voilà, le jeune homme, il a expliqué qu'il avait essayé de vendre un motoculteur et qu'il n'avait pas réussi. Il s'est dit, bah tiens, je vais faire une petite blague. tant que j'y suis. Et donc il a mis la photo de ses quatre pauvres enfants sur internet. Maintenant il est poursuivi évidemment pour atteinte à la vie privée envers les quatre enfants dont la photo est restée en ligne pendant 10 heures. D'accord, ok, d'accord. Oui, ok, dans sa tête c'était peut-être une vanne, mais bon après c'est vrai qu'il peut se passer des trucs tellement dégueulasses là-dedans que... Voilà, c'est un peu en fait ils ont problème. Bien fait d'agir, hein, c'est bien cela dit. Hein. Ouais, bien sûr. Bah ouais, 9h07 sur Fun Radio, je vous rappelle que demain on sera en direct de Mons 69 rue de Nimi au Power Gym, dans une salle de sport, hein. Thomas va faire du sport et Lob aussi d'ailleurs. Hein. Mais il était grand temps. Mais oui, beaucoup de sport. Pédaler. Donc si vous voulez venir nous rejoindre, vous êtes les bienvenus pour faire l'émission avec nous. Demain matin, avec demain matin, dès 6h sur Fun Radio au 69 rue de Nimi à Mons. Allez, dans un instant, le remboursement des factures. Et avant cela, c'est The Wanted maintenant sur Fun Radio. Glad you came. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. 7h10, 8h10 et 9h10. Vous connaissez le principe sur Fun Radio. Dans Mickaël à la radio, on vous rembourse votre facture cash. Pas compliqué. Inscription 6322. Débutez votre message par facture. Vous mettez le montant et l'objet de la facture. Et puis on vous appelle. Si vous décrochez, on vous rembourse votre facture cash. Allez, tout à l'heure, on avait essayé de rembourser du diesel. Ça n'a pas marché. Bon, on va essayer de rembourser de l'essence maintenant. On sait jamais, hein. Peut-être que ça marche pas avec l'un. Ça marchera peut-être avec l'autre. On va savoir. Allez. J'espère que ça va bien se passer là. Allô. Allô. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Qui paye les factures le matin? Mike. Eh oui, bonne réponse. Bon, comment ça va? Comment tu t'appelles? Véronique Jabel. Véronique, très bien. Tu es dans quelle ville, Véronique? Non, Isabelle. Ah, Isabelle. Tu es dans quelle ville, Isabelle? Andrinon. Ah, c'est où? C'est près de où ça? Près de Liège. Ah, Verviers, entre Liège et Verviers. D'accord, ok, très bien. Bon, alors Isabelle, tu avais une facture d'essence à te faire rembourser, un plein d'essence? Oui, c'est... Eh ben, écoute, on va te le rembourser, le plein d'essence. Ah, je te confirme. On va te le rembourser, il n'y a pas de problème, Isabelle. Tu vas rester au standard et puis on va te rembourser ton plein d'essence. Ah, bah, c'est gentil, merci beaucoup. Mais écoute, avec grand plaisir, Isabelle. Et tu reviens quand tu veux, surtout, reste bien fidèle à Fun, on va te repasser le standard, d'accord? Merci beaucoup. Salut Isa. Merci. À bientôt. Salut. Bon ben voilà, si vous voulez faire comme Isabelle par exemple, vous voulez qu'on vous rembourse vos factures, demain on remet le couvert évidemment. Il suffit pour ça de s'inscrire au 6322 en débutant le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Ça marche toute la journée évidemment et puis nous on vous appelle tous les matins à 7h10, 8h10 et 9h10. Et dans un instant on va écouter le son de Britney Spears avec Criminal sur Fun Radio. Juste après, il y aura l'horoscope évidemment de notre ami Doudou et notre invité mystère. La réponse arrive dans un instant sur Fun. Mickaël, à la radio. C'est Homer Simpson sur Fun Radio. Oh, alors tiens. Comme ça, tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Eh ben, essaye de me réveiller déjà, excuse tes petits. Mickaël, à la radio. Dans un instant, c'est Katy Perry sur Fun Radio qui débarque. Ce sera The One That Got Away sur Fun. Fun Radio. Fun Radio. L'horoscope. Mais nous avons d'abord l'horoscope, évidemment. C'est Doudou. Hey, encore un peu de courage, Doudou. Vous allez pouvoir bientôt vous reposer. Il était malade hier, c'est pour vous dire. Oh là là, oui, j'ai le nez comme une patate. Oui, bah ça va passer, Doudou. Vous verrez avec le temps, vous allez prendre l'habitude de ce temps froid. Ah oui, parce que c'est bizarre, tous ces fourmis qui courent dans ma gorge, là. Vous avez déjà eu ça, vous? Oui, bon, moi, une fois par hiver. Hein. Oh là là, mon Dieu, je souffre. Non, allez, ça va aller. Ça... Oh bon, c'est bien, mec. Hein, se plaindre pour rien, c'est quand même dramatique. Ah là là, mais oui, mais bon, moi c'est la première fois. Bah ouais. Allez, on fait l'horoscope, vous allez mieux aller après, vous allez voir. Allez, ah les ouais. Béliers. Repoussez de préférence vos engagements et rendez-vous à plus tard afin d'avoir du succès. Les taureaux. Vous avez retrouvé l'harmonie longtemps espérée, vous êtes de nouveau dans votre élément. Les gémeaux. Réfléchissez à la solution des problèmes et essayez-les. Les cancers. Quelque chose est en train de se préparer, cela va changer radicalement votre vie. Bon, c'est pas si en positif ou négatif. Non, ça, bon, je peux pas le dire. Vous nous direz, les cancers. Les lions. Mettez de l'ordre dans vos idées et faites une pause. Les vierges. Mais oui, ça va faire du bien. Bah oui. Pardon, les vierges, écoutez vos amis quand ils vous mettent en garde contre les fausses idées. Les balances. Savourez sans remords votre attirance sur les autres. C'est une période formidable. Les scorpions. En ce moment, il est des choses plus importantes que les soucis financiers car ils ne sont pas justifiés. Les sagittaires. Soyez plus courageux dans vos prises de décision. Capricorne. De temps en temps, vous devriez accorder un peu plus de repos. Verseau. ne pensez pas au travail aujourd'hui, c'est une journée sans fait particulier. Et pour finir, les poissons, Dodo? Même s'il vous faut encore régler beaucoup de choses, pensez à souffler un peu pour avoir assez de force pour continuer. Évidemment. Merci, ah, Dodo. Oui. Allez, bon courage, hein. Bonne nuit. Hein. Ah oui, oh là là. Allez, là, à demain. Là. Il va dormir jusqu'à demain, vous allez voir. Ah oui, un bon warm et puis je vais dormir. J'imagine. Allez, bonne nuit, Dodo. Oui. Bon, et toujours notre invité mystère. On donne la réponse dans 4 minutes après Katy Perry. Si vous avez une idée, hein. Papa Noël. Noël. Si vous avez une idée, donc, qui chante cette chanson du ciel. C'est pas Garcimore, hein. C'est une proposition là, non. Avec du gros son. Voilà, si vous avez la bonne réponse, 63-22, c'est 1€ le message. Il y a des billets d'avion à gagner. Petit indice, hein. Ça m'énerve. Voilà, en tout cas, il avait la même manière de chanter, hein. Enfin, de chanter, alternatif évidemment. Voilà, 63-22, bonne chance. Ou pour nos amis luxembourgeois, 621-783-605, c'est le numéro des SMS. Donc vous pouvez jouer également. Bonne chance tout le monde. 9h19 sur Fun Radio. Et Katy Perry, comme promis, sur Fun Radio. C'est Fun Radio, il est 9h21. Bon réveil tout le monde, j'espère que vous allez bien. Enfin, bon réveil et puis bon travail là. Il y en a qui sortent plus du lit quand même, j'espère, à ce temps-là. Enfin, je dis ça quand je faisais le soir, moi je me levais à midi, donc je n'avais jamais entendu un morning de ma vie avant d'en faire un. Qu'est-ce qu'il y a? L'invité mystère, on proposait André Lamy, non, pas du tout. On proposait Popek également, non, c'est pas ça. Rock Voisine non plus. Gad Elmaleh, non, je connais pas ce monsieur. Gad Elmaleh, ça me dire Gad Elmaleh peut-être, mais Gad Elmaleh, non, c'est la version chinoise. Ah, c'est le faux, c'est la version thaïlandaise, elle vient de Bangkok, ouais. C'est la contrefaçon. Exact. Bon, 9h22, alors attention, il faut que je vous parle d'un dos. Cette nuit, je suis tombé sur une vidéo improbable. C'est une meuf en fait qui veut participer à un casting dans Looking parce qu'elle a un peu de mal à rencontrer des mecs. Bon, je vais la laisser se présenter, ce sera mieux. Bonjour, je m'appelle Sidi, j'ai 40 ans, je suis originaire de Montcornet dans l'Aisne, en Picardie. Oui, ah oui, j'avais oublié de vous prévenir qu'elle était du nord de la France, hein, pour ceux qui n'avaient pas percuté, on ne sait jamais. Mais vous avez pas encore entendu le problème de Cindy, enfin de Sidi. Et je rencontre beaucoup de gars par écrit, à beaucoup de prises de contact. Maintenant, je constate que dès qu'on passe à la vidéo, et ben quasiment instantanément, les gars ils coupent. Hein. Bon, ça doit être des problèmes techniques, ça, à mon avis. Hein. Oui, je suis pas sûr que ce soit la vidéo le problème. Hein. Oui, ah bah c'est, ouais, c'est oui, peut-être bizarre. Ça viendrait peut-être d'ailleurs. Pourtant, elle en est persuadée. Hein. Alors, je sais pas si c'est des gars qui voudraient que je leur montre mes gougouttes dès le premier rendez-vous, mais moi, je suis pas une fille comme ça. Hein. Ah bah non, ça c'est clair. Ah, on avait compris, Sidi. Les gougouttes. Ah ouais. Mais heureusement. Qu'est-ce que c'est que ça, les gougouttes? Enfin, non, je ne cherche pas vraiment. C'est les seins, je pense. Bah, je crois. Je ne sais pas. Je pense, ouais. Dans ce genre d'expression. Bah, moi aussi, mais j'en déduis que. Alors, mais heureusement, elle a quand même ses copines pour la soutenir, et heureusement. Hein. Alors, bon, j'ai mes copines de l'association des Cougars Picards de la section de 50, hein, qui m'ont dit, Cindy, il faut te poser les bonnes questions. Ouais, bah, ouais. Posons-nous les bonnes questions. Ouais, exactement. Ouais. Bon, dans un instant, la réponse à notre invité mystère, et en attendant, Chris Brown. 9h27 sur Fun Radio. Dans quelques instants, Lucas arrive évidemment, comme chaque matin, 9h30, 13h pour le self. Si vous voulez faire la prog avec lui, vous êtes évidemment les bienvenus sur le Twitter de Fun Radio. Vous pouvez y aller, vous pouvez faire vos demandes par ce billet justement, twitter.com, et vous tapez Fun Radio pour nous suivre tout simplement, ou par SMS au 3044 en débutant le message par self. Et nous avons Christophe qui est avec nous maintenant de Visée, 34 ans. Salut Chris. Oui, salut Michel. Comment ça va? Ça va, super. Bon, bah tant mieux, Christophe, sois le bienvenu. Hein. Alors, ah, toi, oui, tu as une idée de qui est notre invité mystère? Helmut Fritz. Eh oui, Helmut Fritz, ya, yeah, effectivement. Eh bah, ben, c'est une bonne réponse, hein. Bravo à toi. Hein. Merci. Ah, c'est beau, c'est beau. Bon, eh ben, écoute, nickel, bravo à toi, Christophe. C'est 2 billets d'avion pour toi. Tu vas partir avec la personne de ton choix. Bien où tu veux, en Europe. Tu vas gérer ça sans problème. Hein. Ouais, c'est génial. Eh ben, écoute, ouais, il a l'air super emballé. Hein. Cache ta joie. Et surtout, Christophe, garde cette patate. Peut-être qu'il a peur de l'avion, en fait. Ouais, ah, peut-être, ouais, mais il faut pas jouer. Non, non, du tout. Ah bon, ça va alors. Bon, Christophe, en tout cas, merci à toi d'être passé. Tu reviens quand tu veux, ok? Ok, merci. Salut, à bientôt Christophe, ciao. Salut à toi. Et puis je vous annonce également qu'on aura d'autres billets d'avion à vous offrir évidemment dès demain 6h, 9h30 dans Mickaël à la radio. Demain le morning qui sera en direct de Mons, 69 rue de Nimi. On sera dans la salle de sport Power Gym. Si vous voulez venir faire un peu de sport gratos avec nous, n'hésitez pas. Non, bon, on prendra petit-déj, hein, faut pas croire. Hein. Et puis surtout, on va tenter de battre le record également dans une mini, être plus de 26 dans une mini, donc on a besoin du monde. Hein. Donc n'hésitez pas à venir avec votre petit frère, votre petite sœur, enfin des petites personnes.